Surfez sur radiocontact.be et découvrez les prochaines actions et concours. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Du lundi au vendredi, 16h-20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Côté message, Nathan. Oui, on a reçu... Oui, non, en fait, j'en ai pas enregistré là tout de suite. J'ai paniqué là d'un coup. Ouais, il a voulu masquer, en fait, non. Non, mais je suis désolé, mais j'ai paniqué, voilà. Ouais, c'est pas la première fois. David Antoine, 16h-20h sur Radio Contact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. On est là jusqu'à 10h effectivement et puis on s'installe tranquillou. Vous avez pris votre petit café déjà à l'extérieur? Moi pas. Pas encore. Moi pas. Qui n'a pas eu son petit café? Parce qu'il y a des amis de Douegbert qui sont là, on les en remercie d'ailleurs, avec leur Airstream qui est juste magnifique. On va aller chercher des petits cafés évidemment, et puis on s'installe évidemment. Tranquillou, on est là jusqu'à 10h. Contact News. À 6h avec Pauline Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour Olivier, bonjour Maria, bonjour à tous. Les 6 personnes interpellées hier à Bruxelles dans l'enquête sur l'attentat manqué du Thalys en août dernier ont toutes été relâchées après audition. Elles n'ont pas été inculpées. Le parquet indique qu'il s'agissait de simples vérifications. Et ces interpellations sont survenues après la vague de perquisitions de ce week-end. 3 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt, dont Mustapha Ben Attal et Yassine Attar. On apprend dans Sud Presse ce matin que les deux hommes auraient déjà été arrêtés par la police. C'était le 27 mars dernier. Les deux hommes étaient alors soupçonnés de planifier un attentat lors de la marche contre la peur qui a suivi les attaques du 22 mars. Accident impliquant un camion militaire hier soir sur le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem. 6 personnes qui se trouvaient dans le camion de l'armée belge ont été blessées, dont 3 grièvement. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Ce constat, à présent, près de 20% des Belges avouent reprendre le volant après avoir bu plus que la limite légale. C'est ce qui ressort d'une étude européenne menée dans 17 pays de l'Union. La Belgique apparaît comme la plus mauvaise élève après la France et loin devant la Suède, par exemple, où le chiffre ne dépasse pas 2%. Les Suédois qui ne se privent pourtant pas de faire la fête. Benoît Godard, le porte-parole de l'Institut belge pour la sécurité routière, est au micro de Valérie de Winter. Mais non, c'est clair, toute personne qui est déjà allée en Suède, en Finlande, au Danemark, ou même en Grande-Bretagne, l'aura constaté, notamment le samedi soir. Ces gens-là ne boivent pas moins que les Belges, ça c'est clair et net. Mais simplement, dans ces pays-là, il est totalement inconcevable, une fois que l'on sort, de reprendre le volant. Et là, ils s'organisent à l'avance, en pensant déjà au retour, avant même de sortir. En Belgique, on n'a pas encore ce réflexe-là. À l'étranger, un Britannique de 19 ans inculpé pour avoir tenté de tuer Donald Trump. L'incident est survenu samedi soir lors d'un meeting du candidat républicain à la Maison-Blanche à Las Vegas. Le jeune homme a tenté de s'emparer de l'arme d'un policier avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre. Il est actuellement détenu sans possibilité de libération. Nouvelle audience le 5 juillet. Le Britannique risque jusqu'à 10 ans de prison. Enfin, on prend à présent la direction de la France à l'Euro. L'Angleterre et le Pays de Galles dans le groupe B se sont qualifiés pour les 8e de finale hier. L'Angleterre s'est contentée d'un nul contre la Slovaquie alors que le Pays de Galles a écrasé la Russie 3-0. Et aujourd'hui 4 matchs à l'affiche dans le groupe C, Ukraine, Pologne et Irlande du Nord, Allemagne, dans le groupe D, République tchèque, Turquie et Croatie, Espagne. Quant à nos diables, ils prennent la direction de Nice ce matin. Nice où ils affronteront demain la Suède. Hier, Dembélé et Carrasco n'ont pas pris part à l'entraînement. Marc Wilmot espère qu'ils pourront s'entraîner aujourd'hui à Nice. La suite en musique sur Radio Contact dans un instant. Avec Julian Peretta. Miracle. Et tout de suite, à 6h passées de 4 minutes, on fait le point sur la météo avec des nouvelles, une nouvelle fois, pas très réjouissantes. Non, des nuages ce matin avec encore quelques gouttes de pluie dans le sud du pays. Mais ensuite, bonne nouvelle, retour d'éclaircies avec un petit risque d'averse qui persistera. Maxima 16 à 20 degrés pour aujourd'hui. Merci beaucoup Pauline, j'ai envie de prendre un petit peu de tes nouvelles. Comment ça va, bien? Mais oui, je parle toujours un petit peu du nez, hein, mais ça va Maria, c'est gentil. Courage, courage. À tout à l'heure. When the leaves turned brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out. Living forever in a ghost town. enfin. Was meant for two. I save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Julien Peretta sur Radio Contact, c'était Miracle. Ah, je peux vous dire qu'il y a déjà une sacrée ambiance ici, Maria. Ah oui, non, c'est, franchement, ça fait super plaisir. Vous êtes levé super tôt pour être là et ça fait vraiment plaisir. Comment vous avez fait? Ils ont la recette. Ils ont la recette. Bon, le replay, alors, ça s'est passé hier. Hier, nous étions place Saint-Aubin à Namur. À Namur, effectivement, ouais. Pas mal de monde qui est venu nous voir. On a distribué des petits déjeuners. On a fait gagner très tôt un beau cadeau. Oui, trop tôt. C'était à Overboard. Le top 3 des auditeurs, c'est avec JC, la compilation, avec la complicité des auditeurs, évidemment. Écoutez ce qui s'est passé hier entre 6h et 10h. Écoutez, ça s'est passé dans le Good Morning, le top 3 des auditeurs. Oui. Allô? Ah. Salut, JC. Oui, JC. On n'a pas beaucoup entendu aujourd'hui. Vous faisiez quoi, là, JC? Je regardais la télévision. Faites-moi un signe. Coucou JC. Alors, il y avait beaucoup de matière hein, ce matin, les gars. On a débattu avec les auditeurs et finalement, on est tombé sur un accord. Donc, voici le top 3. Alors, ce matin, dans le top 3, Maria et Olivier à Namur et Gary à l'Ouest. Le super cadeau de ce matin est tombé très tôt, voire trop tôt. Et alors, pour terminer, est-ce que c'était bien Maria à Namur? Allez, allons-y pour le numéro 3. Numéro 3. Si Maria Olivier était à Namur, Gary était ailleurs, écoutez. Charlie Pose sur Radio Contact avec One Call Away, il est 7h08. Ouais, c'est bon. C'est bon. Gary, ça va? Ça se passe bien? 7h08. Et 7h08. Ce matin, Maria et Olivier sont à Namur. Oui, Maria et Olivier sont à Namur et Gary est à l'Ouest. Voilà. Désolé. Allez, numéro 2. Numéro 2. En réunion avant de se rendre à Namur, l'équipe du Good Morning avait choisi un cadeau super difficile à trouver. Pour deviner le cadeau, ils avaient prévu, notez bien, 4 passages pour le trouver tellement c'était difficile. Premier passage à 6h15, écoutez. Salut Anaïs. Ça va, oui, ça va bien, merci. Alors, le cadeau, il est devant toi, tu le vois. Une proposition, enfin, une question. Est-ce que ça roule? Est-ce que ça roule? Oui, ça roule. Est-ce qu'on peut dire ça roule? Oui. Ah oui, ça roule. On peut dire ça roule. Est-ce que ce serait un overboard? Oh, tu tues. La C'est gagné. C'est énorme. Incroyable. Finally, number one. Numéro 1. Les auditeurs avaient hâte de rencontrer Maria et Olivier à Namur. Un auditeur arrive face à face devant les deux stars et se demande si c'est bien Maria. Et il demande même à Olivier de venir, écoutez. C'est vous, Maria? Oui, c'est moi, Maria. Comment ça va? C'est magnifique. C'est vous que j'attends tous les jours. Le matin. Avec Olivier, avec Aurélie, avec Gary. Où est Olivier? Il faut qu'il vienne. Non, magnifique. Tous les Namurois. Super accueil ici à Namur, hein. Très sympa. Tout le monde très très sympa. À demain, 6h spécial fête de la musique en direct depuis l'auditorium, les gars. Retrouvez les meilleurs moments du Good Morning sur radiocontact.be. Le Good Morning sur Radio Contact jusqu'à 10h avec tout de suite Sia et Sean Paul, Cheap Thrills, avant d'accueillir les premiers artistes ce matin. Un site d'offre d'emploi traditionnel sait que vous recherchez un poste d'employé à 10 km de chez vous et que vous parlez français, néerlandais et anglais.

them girls them get out of control. Sia et Sean Paul sur Radio Contact avec Cheap Thrills. L'infotrafic. C'est avec Aurélie, on t'écoute Aurélie. Attention, il y a déjà un objet encombrant sur la E42 en province de Liège à Anzival en direction de Bâtisse. Et puis en raison de travaux, la N97 est fermée entre HN et Foix-Notre-Dame vers Philippeville. C'est entre les kilomètres 38 et 32.8. La fin du chantier est prévue le 30 juin. Et puis ça coince déjà en raison du chantier dans le virage de Forêt sur le ring intérieur de Bruxelles depuis Drogenbos en venant de Halle vers Grand-Bigard. Merci Aurélie. Patience, prudence et bonne route. Alors, dans le Good Morning, c'est Maria qui explique les jeux. Ah, ben faut dire ni oui ni non. Enfin, ni on oui. On peut pas dire ni oui ni non. C'est pas facile à expliquer comme règle. Parce que si tu dis ne pas dire oui ni non. Non. Il ne faut dire ni oui ni non. Voilà. Il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non. C'est le ni oui ni non. Ni oui, oui. Voilà. Ni non. C'est facile, c'est simple. Mais oui, c'est facile. On va jouer au ni oui ni non avec, avec quelqu'un qui fait partie ici du public aujourd'hui. C'est Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, qui s'est levée à quelle heure? Parce que Julie, elle vient de Namur, d'Andenne. Ah bah, j'ai pas dormi. T'as pas dormi? Ah. Du tout. Mais pourquoi? J'y arrivais pas. Le stress ou quoi? Ouais. C'est vrai. Voir. Oh, de me voir, oh. C'est cela, ouais. J'ai ça tous les matins. Moi, c'est le stress de ne pas la voir. Donc, voilà. Mais tu es. Oh, j'ai même pas envie de commenter, tiens. Je t'aime, je t'aime. 28 ans, ouais. Tu as Julie. C'est ça. Bien. On va jouer un petit pour... peu tendu, non? Oui. Oui. Ça va aller, ça va aller. Tu vas jouer pour 4 places de cinéma, ok? Ok. Ça va. Une minute pour tenir bon durant le ni oui ni non. Tu as connu les règles, hein? Enfin, tu connais les règles. Oh là là, aller. Mieux que toi. Et à Namur hier, t'en as maté deux au ni oui ni non. Oui. Alors, c'était pas facile. Oui, hein. Oui, oui, oui. Bon, est-ce que tu vas survivre au ni oui ni non avec Maria? On va le savoir dans une minute et ça démarre maintenant. Voilà. Julie, tu es de Namur, donc, hein? C'est ça. C'est ça. Et tu es venue avec, ta famille? Non, des amis. Non! Ah la. On va recommencer, bien évidemment, au moins une deuxième fois. Oh, attention, concentration. 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas ta famille, c'est ça? Ah oui, ah, ouais. Ah, tu dois répondre. Il faut répondre quand même, sinon. C'est des amis. Ce sont des amis. Bien sûr. Tous? Tous ceux qui sont là? Presque. Bah parce qu'ils sont beaucoup quand même, hein? C'est vrai. D'accord. Et vous êtes tous fans d'Alice on the Roof, c'est ça? Pas forcément. Bah, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que vous appeliez les roofers. Tu mens. Non, je mens pas. Ah oui, t'avais dit ça. T'as dit ça? Je pense. Oui, hein. T'as dit ça? Je pense. Tu la suis depuis le début, Alice, sérieusement? Tu la suis depuis le début? Ça fait un moment. Ça fait 15 fois que vous avez été la voir. Presque. Presque? Et quoi, à chaque fois qu'elle va quelque part, vous la suivez? Quasi tout le temps. D'accord. Dis, tu me disais, hors antenne, à la base, tu es vétérinaire, c'est ça? Tu aimerais travailler dans le domaine des vétérinaires, tout ça? C'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. C'est-à-dire, tu aimes les animaux? Voilà. Tous les animaux? Presque. Il n'y a pas un animal que tu aimes moins? Les araignées. Les araignées? Tu n'aimes pas les araignées? Pas vraiment. Allez, c'est gagné! La deuxième fois aurait été la bonne pour Julie de Namur, 28 ans. Tu repars avec 4 places de cinéma, bravo! Merci! Maintenant, tu peux crier haut et fort, tu es bel et bien fan d'Alice on the Roof. Je suis bel et bien fan d'Alice. Voilà. Merci Julie, bravo. Et puis nous on va repartir en musique là tout de suite avec une nouveauté, c'est le nouveau Galantis No Money. C'est sur Radio Contact évidemment. Ce matin c'est le Good Morning jusqu'à 10h. This time I ain't gonna run away. This time. C'est le nouveau Galantis sur Radio Contact avec No Money. Le Good Morning. Radio Contact, faites la musique avec les artistes belges. Oui, absolument. Et on n'est pas seul, Maria. Il y a un peu de monde. Hein. Non, il y a du public. Ça va, le public? Un public super nombreux qui s'est levé tôt ce matin pour applaudir nos artistes belges. Il y aura notamment Alison de Woo. Il y aura Delta aussi. Il a pas manqué à la paix, c'est le grand Georges. On l'adore, il a du succès chez nous et ailleurs, c'est Milo. Et puis ils sont canons et talentueux, Puggy. C'est la fête de la musique aujourd'hui, c'est la fête de la musique évidemment sur Radio Contact, votre radio musicale numéro 1, et puis surtout avec les artistes belges qu'on a invités ce matin qui nous font le plaisir d'être là. On va passer de très très bons moments et ça va durer jusqu'à 10h. Je tiens à préciser quand même qu'aucun d'entre eux n'a demandé à faire un duo avec moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On les a bloqués à l'entrée ou quoi? Merci Gary pour le petit effet. Okay, je sais pas, c'est étonnant. Ouais. Des duos, il y aura, bien en parler. Oui. Il y aura de l'exclusif, de l'inédit. Tout à l'heure, on va vivre des moments absolument incroyables et inédits. Ça va se passer sur Radio Contact. On est là jusqu'à 10h. C'est Louane qui arrive côté musique avec Tourne. Et à 6h30, Contact News avec Pauline Laurent. Et puis on se retrouve avec les premiers artistes entre 6h30 et 7h. Du lundi au vendredi, 16h-20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Côté message, Nathan. Oui, on a reçu... j'en ai pas enregistré là tout de suite. J'ai paniqué là d'un coup. Ouais, il a voulu masquer, en fait, non. Non, mais je suis désolé, mais j'ai paniqué, voilà. Ouais, c'est pas la première fois. David Antoine, 16h-20h sur Radio Contact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Télénet, canal 12. 5 Seconds of Summer, en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Vous avez envie de découvrir les coulisses de Radio Contact? It's my station. De tout savoir sur les prochains concours et concerts, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter et rejoignez la communauté Radio Contact sur radiocontact.be. Le plus important le matin, c'est de démarrer avec la bonne note. Sous le vent. Ouais, et parfois ça dérape. Le Good Morning, c'est de 6h à 10h sur Radio Contact. J'ai besoin d'oxygène encore. À la semaine prochaine, si le vent te ramène. J'ai pris froid hier, j'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Dans tes veines encore, pour que tu te souviennes à l'amour, à la haine. Tes envies d'ailleurs, propager le feu dans les cœurs et courir sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Sur Radio Contact, c'était Tourne. Gin Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Contact News. C'est à 6h30 avec Pauline Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour Maria, bonjour Olivier, bonjour à tous. Trois mois, quasi jour pour jour après les attentats de Bruxelles. Une cérémonie d'hommage aux services de secours qui ont œuvré le 22 mars est prévue ce matin à l'aéroport militaire de Melsbroek. Une cérémonie en présence de Charles Michel et de plusieurs ministres. Un millier de personnes sont attendues. Et près de trois mois après ces attentats, un constat aujourd'hui, c'est toujours le rush dans les entreprises de gardiennage. Les demandes continuent d'affluer, c'est le cas notamment chez Securitas. Pascal Ourmand. Avec un pic de demande ici, du coup, la société cherche du personnel. Karl Lebol, le directeur des ressources humaines. Actuellement, on est à 340 postes ouverts pour agents. Ça représente quand même une hausse de 25%. Par rapport à une année normale. Et certains secteurs sont particulièrement demandeurs. Les autorités en Belgique, les services d'administration en Belgique, institutions européennes, mais de l'autre côté aussi le secteur privé. Des banques ou des magasins ou dans le secteur industriel aussi, des usines. Tout ce qui est concerts, festivals aussi. Les attentats ont joué, mais pas seulement. Suite aux attentats à Paris et à Bruxelles, nos clients demande de plus en plus une augmentation du nombre d'agents de gardiennage. Deuxièmement, on voit que la Belgique fait un rattrapage aussi par rapport à l'Europe. Bref, cette pratique devient aussi de plus en plus courante. Les six personnes interpellées hier à Bruxelles dans l'enquête sur l'attentat manqué du Thalys ont toutes été relâchées après audition. Elles n'ont pas été inculpées. Le parquet indique qu'il s'agissait de simples vérifications. Le signal rouge qui avait été franchi par un train de passagers à Saint-Georges-sur-Meuse le 5 juin dernier n'est pas équipé de la technologie de freinage automatique. C'est ce qu'a confirmé le patron d'Infrabel hier devant la commission infrastructure de la Chambre. Cette technologie de freinage automatique en cas de problème fonctionne par contre sur la dorsale wallonne. Rappelons que l'accident de Saint-Georges-sur-Meuse avait fait 3 morts et 10 blessés. L'auteur de la fusillade dans un club gay d'Orlando faisait preuve d'un calme effrayant au moment de l'attaque qui a fait 49 morts. C'est ce qui ressort de ses conversations avec la police. Des extraits ont été publiés par les autorités américaines. Omar Mateen se serait également présenté comme un soldat islamique. Et près de 10 jours après ce massacre, le Sénat américain a rejeté hier une proposition démocrate visant à durcir les lois sur les armes à feu. Le groupe terroriste État islamique reprend du terrain en Syrie. Les djihadistes ont récupéré la province de Raqqa, d'où ils ont chassé les troupes du régime de Damas. En sport, à l'Euro, deux pays se sont qualifiés pour les huitièmes de finale hier. Il s'agit de l'Angleterre et du Pays de Galles dans le groupe B. L'Angleterre a fait un nul contre la Slovaquie alors que le Pays de Galles a écrasé la Russie à 3-0. Et puis pour nos diables, le jour J, c'est demain. Ils prennent la direction de Nice ce matin. Nice où ils s'entraîneront cet après-midi en vue du match de demain, donc contre la Suède. Wilmot espère que Dembélé et Carrasco pourront prendre part à l'entraînement. Ce matin, Radio Contact fête la musique avec les artistes belges et la musique. Elle revient dans un instant, ce sera avec Taylor Swift et Blank Space, sorti en 2014. La météo pour aujourd'hui, c'est une nouvelle fois de la pluie. Oui, de la pluie en tout cas ce matin. Cet après-midi, il devrait faire plus sec avec quelques éclaircies, maxima 16 à 20 degrés. Merci Pauline, à tout à l'heure. On fête la musique jusqu'à 10h avec vous aussi. En direct depuis notre grand auditoire, les premiers artistes vont arriver dans un instant. On va accueillir le groupe Delta. Ah oui, ils sont déjà là, je les ai vus. Waouh, à tout de suite. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. If the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players. And you love the game. Cause we're young and we're reckless. We'll take this way too far. It'll leave you breathless. Or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby. And I'll write your name. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no. Screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep your second guessing like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy. But you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Right, Taylor Swift sur Radio Contact et Blank Space. Ce matin, Radio Contact fait de la musique avec les artistes belges. Ouais, on fait de la musique avec les artistes belges et avec vous, on accueille tout de suite Delta. Bonjour les gars, installez-vous à l'aise. Ça va, c'est pas trop tôt pour vous? C'est un petit peu. On est ravis en tout cas de vous accueillir ce matin. Clairement, vous êtes une des révélations de l'année, quoi. C'est magnifique. Magnifique. C'est incroyable ce qui vous arrive, non? Très chouette, ouais. Ben, on a eu beaucoup de support de votre part, déjà. Donc ça, c'est super cool. Et oui, on a un super accueil de la part de tout le monde. Donc on pouvait pas rêver mieux pour un début pour nous. Alors racontez-nous peut-être un petit peu votre histoire, comment ça a démarré, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Vous êtes deux entités qui avaient travaillé un petit peu de part et d'autre, et puis jusqu'au jour où clax, la rencontre s'est faite. Exactement, mais ça date quand même, c'était en 2010, et en fait on jouait dans des groupes séparés. Et moi je cherchais un groupe de mon côté, et puis on s'est rencontrés par personne interposée, mais on s'est rencontrés par la musique. Et voilà, donc on est devenus amis avec le temps, ouais, grâce à la musique. C'était qui tout double, mais voilà. Non, voilà. Et alors En visant la lune, ce titre, vous l'avez écrit, composé vous deux, à deux? Mais au début j'avais trouvé l'arpège tout seul en fait, ouais. Et c'était marrant, c'était avec un de vos amis justement, Pablo Andrés. Ah oui, session, ouais, absolument, je faisais, ouais, une session nuit pour lui, donc d'un sketch d'humour pour son personnage Ramon Colo. C'était assez drôle, et d'un coup je sais pas, j'ai pris la guitare, j'ai commencé à jouer, l'arpège est venu, j'ai montré à Benoît le lendemain, on a trouvé toutes les mélodies ensemble, et puis Jali, notre ami, nous a aidé à finaliser le texte. Donc ça a été très vite en fait, une collaboration de potes en fait. Exactement, tout à fait. C'est incroyable. Alors vous dites qu'en chantant dans votre propre langue, à savoir le français, vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. C'est étonnant parce que la plupart des artistes chantent en anglais pour essayer de s'ouvrir au maximum au niveau du public. Pourquoi chanter en français alors? C'est un horizon plus personnel, parce que forcément quand on chante en anglais, ça reste une langue qu'on a apprise par l'amour de la musique anglophone en fait, qui vient principalement de nos deux papas, et on n'avait jamais vraiment, c'était jamais vraiment connecté à notre langue via la musique, et donc c'est un tout nouvel horizon pour nous, et ça a été une belle surprise en fait, vraiment. Et justement, en parlant de surprise, qu'est-ce que vous nous réservez encore pour la suite? Parce que là, forcément, après le carton... Il y a l'album qu'on attend, ouais, avec impatience, évidemment. Bah nous aussi. On... Alors, quelques petites infos sur cet album. On a donc un EP qui est sorti récemment. Ça, comme ça, pour les gens, comme ça, ils le savent. Il y a un EP 5 titres qui est disponible sur iTunes et d'accord, sur toutes les plateformes digitales. Ouais. Et l'album, ce sera pour début 2017. On est en train de faire un gros lifting de toutes nos chansons, parce qu'on a amassé pas mal de chansons. Et donc maintenant, il faut faire un gros tri pour la sélection pour l'album. On est impatient de faire ça. On a hâte de le découvrir. Et on a découvert sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines une vidéo que vous avez tournée dans un parc où vous enregistrez quelques petites mini reprises et des mini séquences de plein de morceaux différents. Ouais. C'était énorme. On a adoré. C'était génial. Merci beaucoup. Bah, c'était en plus assez improvisé en fait. On était là. On n'avait pas eu de soleil depuis très longtemps. Maintenant c'est fini déjà. Oui. Il fallait le créer. Ah ouais, non, maintenant on sait. Il y en a. Hop là, on est sorti. On était au studio en fait, et on s'est dit bon, on va vite faire une petite vidéo. On a travaillé une petite reprise des morceaux qu'on aimait bien pour le moment. Et voilà, d'ailleurs il y en a d'autres qui vont suivre, et on aura envie de savoir ce que les personnes veulent entendre, donc on sera assez à l'écoute par rapport à ça. Donc, eh ben, merci de partager votre bel univers avec nous, vraiment. Merci. Et ce qu'on a envie d'entendre, nous, c'est du live de Delta, et ça va se passer maintenant, tout de suite. Alors on vous propose de rejoindre la scène qui est juste à côté et de démarrer là maintenant le live de Delta en visant la lune. On les applaudit évidemment. Vous êtes les premiers à démarrer, vous ouvrez le bal, comme on dit, en visant la lune. Delta en live dans le Good Morning, c'est ce matin. Écoutez. Julia à la guitare, Benoît au piano. On aura plein de belles histoires à raconter. Pas d'arrivée sans voyage, sinon bien d'autres avant nous l'auraient tenté. On caressera les nuages comme la pluie les deltas planent. Nous ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Que sera étonné de voir jusqu'où peut nous mener le goût de l'aventure, pas Parfois quelques frissons valent mille blessures. En visant la lune, on peut pas se tromper. On atterrira dans les étoiles et de là où on pourra voir le monde entier. Mais hors de portée des orages, un jour on posera nos bagages et on rira ensemble des galères du passé. On ira aussi haut que nos bras pour nous porter même au-delà. Nous ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Oui, tu seras et tu le vois jusqu'où peut nous mener. Le goût de l'aventure, parfois quelques frissons, valent mille blessures. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Wow, wow, wow, oh, oh. Tu peux garder les pieds collés au plancher ce soir. Tu peux te reposer, mais prends garde, demain n'est jamais en retard. Se tromper, oui, tu seras et tu les devras jusqu'où peut nous mener. Le goût de l'aventure, parfois quelques frissons, mal mille blessures. En visant la lune, on peut pas se tromper. Merci beaucoup. C'était carrément énorme. Elle a subjugué, quoi. Il est quelle heure exactement? Il est 6h45. Attends, il est 6h45, c'était... Comme s'il était 21h, quoi. Les mecs, ils ont la voix chauffée. Bravo, magnifique. On les applaudit. Merci, bravo, Delta. Les garçons. Merci, Delta. Merci, Julien. Et on va faire une photo peut-être pour poster sur Facebook. Allez, venez on va faire une petite photo. On va faire une petite photo. Venez. Non, on en profite. Hein. On se la joue groupie ici, hein. Attention. Mais trop bien. Comme ça, attention. Les gens verront à quoi on ressemble à ce matin. Ouais. Attention, hein. Regardez comme je suis douée pour les photos. Hey. Top. Voilà. Delta. On mettra un filtre, hein, je vous rassure. Alors, ça ne fait que commencer, c'est déjà énormissime. Delta en live, c'était... Et l'album, on l'attend, hein. Ah ouais, mais... Oh, on a très envie. Franchement, ils ont sorti un EP. Ils ont sorti un EP. Moi, j'ai grave envie de me le télécharger là tout de suite, comme ça. Tu vois là. T'as grave envie de quoi? De télécharger okay. Le. Tu vois? Oui. Dans la suite. Alors, c'est maintenant. On accueille directement le suivant. On y va direct. Grand Georges. Oh, on est bien lancé. Dans un instant, on va accueillir le suivant. Je peux vous dire que là aussi, c'est du très très lourd. Oh, oui. Mais d'abord, un petit point trafic avec Aurélie. L'info trafic. Ça va Aurélie? Oui, ça va et vous? Mais très oui. Très bien. Alors sur la route, il y a du monde sur le ring de Bruxelles, dans chaque sens. Sur le ring extérieur, vous êtes ralenti de Waterloo, Mont-Saint-Jean à Groenendaal, bien plus loin dans le virage de Forêt vers Halle. Sur le ring intérieur, il y a de longues files entre Eusingen et Forêt, de Grand-Bicard à Jette vers Zaventem. Vers Bruxelles, ça coince depuis Nivelles sur la E19, sur la E40 qui vient de Liège à hauteur de Berthem. Et puis entre Affligem et Ternat en venant de Gand. Merci Aurélie. Patience, prudence et bonne route. L'info trafic avec Doudou oublié, Doudou envoyé où que vous soyez. Comptez sur l'assistance voyage Touring. Ce matin, Radio Contact fête la musique avec les artistes belges. Absolument, Delta était là il y a un instant. On rappelle que c'est diffusé également sur Radio Contact en télévision. Évidemment. Si vous êtes à la maison ce matin, n'oubliez pas d'allumer votre téléviseur. Branchez-vous sur Radio Contact en télévision pour suivre tout ça en live. Vous avez droit aux coulisses, à la totale. Regardez là par exemple en direct l'entrée. Qui arrive, Grand Georges. Bienvenue chez nous. Et ne casse pas ta guitare, non. Je sais pas. Juste après, si bonjour. Bonjour, on est vraiment, vraiment heureux de te vous recevoir aussi ce matin. Ah ben chouette, merci. On peut t'appeler Georges tout simplement ou Non, ah non, parce que ah Georges. Non, Grand Georges, c'est alors, mon nom de famille. Eh bien justement, moi j'ai envie d'emblée de te poser cette question. Pourquoi Grand Georges? Parce que c'est mon nom de famille. Je m'appelle Benjamin Grand Georges. D'accord, ok. Et j'ai cherché quelques temps et puis je me suis dit, après tout, Grand Georges, ça se met, quoi, c'est mon nom. Ça le fait. Et je voulais que le projet me ressemble. Donc là, au moins, pour le coup, il me ressemble vraiment beaucoup. Eh ben voilà. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui, Benjamin. On va t'appeler Benjamin si tu veux bien. On est en famille, comme on dit. Si vous voulez, c'est très bien. Dis-nous, ton histoire à toi, c'est d'abord la musique. Hein. Je pense d'abord, tu démarres très jeune une formation classique de piano. Oui, et clarinette. Et de clarinette. Voilà. Et puis après, la guitare que tu apprends seul. Oui, à peu près en même temps, mais que je suis vraiment autodidacte à la guitare, mais c'est devenu un peu mon instrument de compagnie maintenant. Ouais, de prédilection, de comme on dit. Prédilection, voilà. Et puis après, arrive la chanson, les textes. Et puis arrive, oui, voilà, en fait, j'ai eu une toute autre vie. Puis un jour, j'ai décidé, il y a quelques années, là, il y a 2 ans, de tout arrêter et de me remettre à la musique vraiment. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'écris des chansons, des textes, je cherche des musiciens, des studios, on avance, et puis je suis là, donc c'est chouette. En voyageant à travers 3 villes, hein, surtout il y a Bruxelles, Londres, Paris. Bah, j'ai vécu, voilà, en fait, je suis de Paris, je l'avoue. Maintenant, ça fait 12 ou 13 ans que je vis en Belgique, mais j'avais déjà vécu quelques années avant. Et puis j'ai passé aussi pas mal de temps à Londres et en Angleterre, donc c'est vrai que c'est un peu mes 3 pays. Et tout ça t'inspire? Tout ça m'inspire, ouais, il se passe plein de choses différentes dans toutes ces villes, et puis on rencontre plein de gens différents avec des passés différents, c'est ça qui est intéressant. En fait. Juste à propos de rencontres, c'est des hasards la vie, c'est des rencontres. C'est quoi ce SMS qui a fait tout basculer un jour? Bah, c'est vrai que un jour j'ai reçu un SMS de quelqu'un me disant j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est qui votre maison de disque? Et puis moi je venais de boucler l'album, je faisais les choses sans trop de plans. Et puis je lui ai répondu j'aimerais bien bosser avec Pias si vous connaissez quelqu'un chez eux, parce que j'ai pas de maison de disque. Et puis, il m'a présenté à quelqu'un de chez Pias. Et puis de là est partie toute cette cool histoire avec Pias et plein de choses et toute une belle équipe. Donc c'est des hasards de la vie qui font que. Et j'avoue que j'ai eu une petite bonne étoile là qui me suit. Pias, on va peut-être préciser pour ceux qui ne le savent pas éventuellement, qui c'est. Pias, c'est une maison de disque, on va dire. Indépendante, c'est une grosse maison de disques indépendante, on va dire. Donc c'est pas une des Universal ou. Ouais. En général, quand on reçoit un petit SMS en proposant de bosser avec Pias, on est plutôt content. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est chouette. Après, c'est sûr que c'est une histoire de personne, tout ça. Donc il faut voir si la mayonnaise prend, si on a envie de travailler ensemble. Et puis là, ça a été le cas. Donc non, une chouette histoire. Puis on verra où ça nous mène. En tout cas, c'est chouette. Et les projets justement pour la suite? Là, l'album est sorti il y a 6 mois, donc là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dates. Là, cet été, je sais pas, on est bientôt à Bruxelles, là, à Couleur Café, il y aura le Best-of, Franco, enfin, il y a, je sais pas, 25 dates sur l'été. Tu les fais toutes, quoi, comme on dit. Et on en fait beaucoup, et puis c'est chouette, plein que je découvre aussi. Et puis après, à l'automne, on fera une bonne tournée de salles, puisque c'est ça qui m'excite aussi beaucoup, les salles, c'est très différent des festivals. Et puis, je crois que tout doucement, je commence à travailler, même plus que tout doucement, sur le prochain album. Mais pour l'instant, c'est plus dans la tête que ça se passe. On imagine. On va bientôt mettre ça un peu sur papier ou en musique, donc non, ça va être chouette. Ça bouillonne. On va se retrouver en live dans un instant. Tu disais que tu avais beaucoup de chance. Est-ce que tu crois en ta bonne étoile? Eh bien, justement, hier, on a été enregistrer une chanson qu'on n'avait jamais jouée qui s'appelle Bright Star, qui parle de ça, qui parle de ma bonne étoile, de la bonne étoile de tout le monde. Je souhaite à tout le monde, en tout cas, d'avoir la même que moi, parce que je crois que jusqu'ici, tout se passe quand même très bien et je m'amuse beaucoup. Tu as l'air de prendre ça avec beaucoup de sérénité. Ouais. Bon, on s'amuse, on fait de la musique. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Je crois qu'il y a une chose qui n'est pas intellectuelle, c'est bien la musique. Donc, prenons ça avec le sourire et beaucoup de simplicité, je crois. Beaucoup d'humilité, j'ai l'impression. Tu es de quel signe, toi? Je suis Capricorne. Capricorne, on a notre Patricia Milis à nous, notre agréable. Notre Madame Horoscope. Que va-t-il m'arriver aujourd'hui? Tu vas pouvoir écouter ce qu'elle va te dire. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Bélier, la chance sourit aux audacieux. Saisissez les opportunités qui se présentent dans le secteur professionnel. Taureau, ça y est, les vacances approchent à grands pas et comme vous êtes prévoyant, tout est déjà bouclé. Gémeaux, une petite entrée d'argent est possible, plutôt bienvenue avant les vacances, souriez à la vie. Cancer, les émotions sont intenses dans les couples, est-ce la chaleur de l'été qui vous met dans un tel état? Lion, vous misez tout sur la santé et sur votre capital énergie, rien de mieux qu'une bonne mise en forme avant les vacances. Vierge, les amours se dessinent en mode tendresse, les liens sont forts et puissants, les nouvelles histoires sont plutôt charnelles qu'amoureuses, attention. Balance, vous décidez de faire le grand nettoyage dans votre habitation, vous triez, vous jetez et vous vous sentez mieux. Scorpion, le dialogue est puissant, les mots se diffusent au bon moment, au bon endroit et vers les bonnes personnes.

do do do do do do do do do do. It feels so fine digging blind into your mind. Do do do do do do do do do do. It feels so fine digging blind into your mind, mind, mind. Oh no, I better do you. It may be yes, it may be no. It may mean you think I should better go. I was to guess you'd never say or even love, so I don't know. Or maybe nothing serious though, so it's of other things to go. As long as it's a mystery, I'll keep on loving, cause it feels too, too, too, too, too. Do, do, do, do, do. It feels so fine digging blind into your mind. Do, do, do, do, do. Do, do, do, do, do. It feels so fine digging blind into your mind. If you wanna know how I feel, make your way, cause I also play. And if you think someday you found my way, be sure I won't say, and I'll let you play. Hey. Thing I never share, it's going through my mind sometimes, that makes me feel so fine. I don't know why, I just know how. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. It feels so fine digging blind into your mind. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. It feels so fine digging blind into your mind. Oh no, no, no, no. It feels so fine digging blind into your mind. It feels so fine digging blind into your mind. Digging blind into your mind. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. It feels so fine. Incroyable. En live sur Radio Contact Grand Georges, qu'on retrouvera tout à l'heure. Et dans les prochaines minutes, on accueille Alice on the Roof. Un plaisir communicatif en chantant. On est le 21 juin et Radio Contact fête la musique avec les artistes belges. Ça va durer jusqu'à 10h sur Radio Contact et Radio Contact en télévision. N'hésitez pas à vous connecter. Merci d'être à l'écoute. Il est 7h. Radio Contact. Contact News. Avec Pauline Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour Olivier, bonjour Maria, bonjour à tous. Alerte à la bombe au centre commercial City 2 à Bruxelles. Les services d'urgence sont sur place. On n'en sait pas plus pour l'instant. On vous tient au courant dans nos prochaines éditions. Conduire sous influence de l'alcool, voilà qui semble encore et toujours normal dans notre pays. D'après une étude européenne, près de 20% des Belges avouent reprendre le volant après avoir bu plus que la limite. Nous arrivons d'ailleurs loin devant les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou encore la Suède. Et pourtant, ce ne sont pas les campagnes qui manquent. Les prochaines années seront donc déterminantes. Benoît Godard, le porte-parole de l'Institut belge pour la sécurité routière, est au micro de Valérie De Winter. Il faudra encore plusieurs années, ça c'est clair et net. Maintenant, ce que nous constatons, c'est que la jeune génération de gens qui ont toujours connu les campagnes Bob ont davantage tendance à s'organiser à l'avance que leurs parents, qui entre 40 et 60 ans, pour eux, ça a plus ou moins été toujours normal de reprendre le volant sous l'influence de l'alcool, et ils continuent. Donc peut-être faudra-t-il que cette génération-là vieillisse pour faire place à une autre génération de jeunes conducteurs qui est davantage responsable. Il s'agissait de simples vérifications, annonce du parquet après la remise en liberté des 6 personnes interpellées hier à Bruxelles dans le cadre de l'enquête sur l'attentat manqué du Thalys en août dernier. Aucune de ces 6 personnes n'a donc été inculpée. Et ces interpellations sont survenues après la vague de perquisitions de ce week-end. 3 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt, dont Mustapha Benatal. On apprend dans Sud Presse ce matin que l'homme aurait déjà été arrêté par la police. C'était le 27 mars dernier. Il était alors soupçonné de planifier un attentat lors de la marche contre la peur organisée après les attentats de Bruxelles. Une marche qui avait d'ailleurs été annulée pour des raisons de sécurité. À l'étranger, Donald Trump a échappé au pire samedi soir lors d'un meeting à Las Vegas. Un Britannique de 19 ans a tenté de le tuer. Le jeune homme a tenté de s'emparer de l'arme d'un policier avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre. Il est actuellement détenu sans possibilité de libération. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Football à l'Euro, 2 pays du groupe B ont décroché leur ticket pour les 8e de finale hier. Il s'agit de l'Angleterre qui a fait un nul contre la Slovaquie et du Pays de Galles qui a dominé la Russie 3-0. Et aujourd'hui, 4 matchs à l'affiche dans le groupe C, Ukraine, Pologne et Irlande du Nord, Allemagne. Dans le groupe D, République Tchèque, Turquie et Croatie, Espagne. Nos Diables, eux, prennent l'avion pour Nice ce matin où ils s'entraîneront ensuite en vue de leur match de demain contre la Suède. Enfin, toujours en football, mais chez nous cette fois, René Weller a dirigé hier après-midi son premier entraînement à Anderlecht où il a ensuite été présenté officiellement. Le coach suisse de 42 ans vient de s'engager pour 2 ans au Sporting et il se montre plutôt confiant. Non, je ne dois pas parler, hein, je dois montrer quelque chose, tout le monde va montrer quelque chose, hein, moi comme entraîneur, les joueurs, le club, et après j'espère bien qu'ils vont être contents avec tout le monde. Ce sont des expériences, de temps en temps on cherche ça, c'est nouveau. J'espère bien que je peux réussir aussi, je peux faire la connaissance avec beaucoup de nouveautés et je suis sûr que ça va fonctionner. Enfin, au tennis, à Wimbledon, 3 Belges tenteront de se qualifier pour le tableau final. Il s'agit de Elise Mertens, Anne-Sophie Mestak et Isaline Bonaventure. Dans la suite en musique sur Radio Contact, Amir avec J'ai cherché. Et la météo aujourd'hui, Pauline, qu'est-ce qui nous attend ? De la pluie et des nuages pour ce matin, super. Un petit peu plus d'éclaircies cet après-midi, mais avec toujours un risque d'averse. Et on aura entre 14 et 20 degrés au thermomètre. D'accord, et le soleil, c'est prévu pour quand ? Demain, il revient demain. Ah, mais déjà cet après-midi, un petit peu d'éclaircies cet après-midi, et puis demain, il sera vraiment là. Eh ben, on le dit alors, voilà. Merci Pauline. Jusque-là, on savait pas trop ce que c'était la mousson, maintenant on sait. C'est vraiment sympa. Dans la suite, on aura Alice on the Roof sur Radio Contact qui fête la musique jusqu'à 10h. Les artistes belges sont avec nous. À tout de suite. À mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer. J'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. You're the one that's made. Sur Radio Contact avec J'ai cherché. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Le Good Morning va peut-être vous appeler. Effectivement, il y a du monde pour souhaiter un joyeux anniversaire à une, j'allais dire une demoiselle, mais moi, on reste dame, demoiselle toute sa vie, sache-le. Oh. Ah si, vraiment, vraiment. T'essayes de te rassurer là. Et toi, ouais, bah, comme toi, tu restes un damoiseau. Hein. Ah, c'est comme ça. Allez, on va du côté de Jette ce matin. Ouais. Ça va sonner. Et il n'y a plus de sonnerie, il n'y a pas de sonnerie à Jette ou quoi? Ah voilà, quand même. Ça y est. Donc Karine a 51 ans aujourd'hui. C'est son compagnon qui l'a inscrite. Il paraît que c'est une femme formidable, toujours aux petits soins pour ceux qu'elle aime. Ah, ah c'est génial, on va tomber sur un répondeur. Ça sent répondeur. Aïe. Bon, on va, est-ce que Eric est dans le coin? Est-ce que après le bip, Eric n'est pas encore dans le coin, donc on essaye de... Ah bon, Eric, tu es là? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, Eric? Pourquoi est-ce que Karine ne décroche pas? Ah, parce qu'à mon avis, elle fait encore dodo. Ah, mais il faut aller la secouer! Ah, on réessaye. On essaye, vas-y, t'es où? T'es loin d'elle? Non, je suis dans sa chambre. Vas-y, va donner un petit coup, enfin, si je peux me permettre. D'accord, ouais. Allô, Karine? Oui. Bonjour, Karine. Karine, on a eu peur que tu ne décroches pas. Pourquoi? Mais parce qu'on est tous là pour te dire bonjour. Bonjour, Karine. Oui, bonjour. Bonjour, tu as 51 ans aujourd'hui, Karine. Oh là là, oui. Oui. Et tu croyais te lever comme ça aujourd'hui? Tranquillou. Oui, tranquille, oui, ce mardi, solstice d'été. Hein? À ton avis, qui c'est qui t'appelle ce matin? Ah oui, j'ai une idée. Dis-nous. Radio Contact. Oui. Mais oui. Bon anniversaire, Karine. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, en plus, il y a du public pour te le souhaiter. Ouais, on est en live avec les artistes belges jusqu'à 10h sur Radio Contact et Radio Contact en télévision. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Karine. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ça fait du monde, hein? Pas mal, hein? Oui. Karine. Joyeux anniversaire. Oui, il fallait que je mette ma petite note. Anniversaire de tout cœur, Karine. Alors, il a fallu te réveiller ce matin. Et à ton avis, qui c'est qui a organisé la petite surprise? Oh oui, ça, je m'en doute. Je vois très bien qui c'est. Eric. Tu vois bien qui c'est, puisque c'est ton compagnon. Bonjour, Eric. Voilà. Oui. Je sais pas s'il est là. Allô, Eric. Oui. Allô, je suis là. Vas-y, Eric, dis-lui tout. Eh bien, je voulais lui dire qu'en ce jour d'anniversaire, je ne peux lui faire que des éloges. Je veux dire que c'était une personne courageuse, fière, très attachée à sa famille, soucieuse du bien-être de chacun. Il faut aussi qu'elle sache que c'était une personne sensible, spontanée, attentionnée. Je lui remercie d'être là et de prendre soin de ceux qui lui sont chers. Je tiens à elle et je suis heureux d'avoir croisé son chemin. Voilà. Oh, wow, quelle belle déclaration. Oh, c'est l'amour, ça. On le sent très ému, Eric. C'est l'amour. Oui, combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans. Oh, c'est magnifique. Bah, vous avez passé le cap des 3 ans, donc c'est parti là, hein. C'est bon. Oh, hein. La spécialiste là. Bah oui, bah, 3, 6, 9, hein, le bail. On vous souhaite plein de bonheur en tout cas. Karine, on t'embrasse très très fort. Merci beaucoup. Bonne journée. Et Eric, il n'y a plus qu'à aller la rejoindre dans les plumes. On vous embrasse. Bisous à tous les deux. Bisous, les amoureux. Merci. Ciao. Radio Contact, 7h12. Elle arrive dans un instant. Alison The Room. En live dans le Good Morning qui fête la musique en ce 21 juin. Bonne matinée et bon réveil. Marre d'un tête-à-tête avec votre GPS dans les bouchons? Téléchargez l'appli Commande et trouvez le partenaire idéal pour votre covoiturage. Une initiative de la Wallonie. C'est moi, Hip. Nos diables rouges vont faire suer les Suédois. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Chérie, ils viennent jouer quand déjà les Stones? Les Stones après-demain, je crois. Oula, faudrait qu'on fasse un peu de place dans le salon quand même, non? Bon... C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Ce mardi, jackpot de près de 30 millions d'euros. Jouez à Euromillions dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Comment gagner du temps lors de votre AG maison-boulot? Voici la stratégie de Nicolas. Alors, le soir, quand je rentre du boulot en voiture, pour arriver à l'heure à la maison, je ne cherche que des routes en descente. Ça va beaucoup plus vite. Bon, le truc, c'est qu'à Bruxelles, à part la butte de Waterloo... Si, je vais rentrer par les Ardennes. Oh oui, ça va être plus long, mais ça va être bon, ça. Cher Nicolas, il y a plus simple. Ayez encore plus de contrôle sur vos trajets avec l'application Touring Mobilis. Téléchargez-la gratuitement et profitez des toutes dernières infos données par le spécialiste du trafic. Touring, mobilisons-nous. Le 27 août prochain, The Mud Day débarque enfin en Belgique. Dans le Bois du Prince, à Charleroi, viens défier les conditions extrêmes de The Mud Day et relève ce défi, seul ou en team. Au programme, 13 km et 22 obstacles inspirés des parcours du combattant avec de l'eau, de l'électricité, mais surtout de la boue. The Mud Day, Belgique, le 27 août à Charleroi, avec Radio Contact. Infos et inscriptions sur themudday.com. En live jusqu'à 10h avec les artistes belges à l'occasion de la fête de la musique. On a accueilli Delta déjà, on les retrouvera tout à l'heure, Grand Georges également, et puis là une autre artiste, Maria. Elle est prête et elle est très attendue aujourd'hui, c'est Alison The Wolf. Ouais. Bonjour Alice, bienvenue. Avec tous les woofers, comme on dit, hein, ça c'est vraiment la bonne. Ils sont là. Ils sont là, certains sont venus très très loin, ils se sont levés très très tôt ce matin pour pouvoir t'applaudir avec tous les artistes belges. On va se réveiller ensemble, ok. Vas-y Alice. Je vous fais Lucky You. Take me for a ride, I made up my mind, Lucky You. No, you can't deny, this is the last time I fight against you. No, you can't deny, this is the last fight, fight against you. And music all around, pleaders on the ground, I'm ready for the show, show, show. If you saw me that night, climbing up the sky and dancing on. Show, show, take me for a ride. I made up my mind. Lucky you, lucky you. Used to be so kind, you forgot that tie, didn't you? No, you can't deny. This is the last time I fight against you. No, you can't deny. This is the last fight, fight against you. Ready for the show, show, show. If you saw me that night, climbing up the sky and dancing on and on and on. If you saw me that night, climbing up the sky. On te retrouvera tout à l'heure. Merci Alice, Alice on the Roof. La Belgique a du talent. On vous le prouve une fois de plus ce matin avec les artistes belges. Et puis si vous êtes sur la route ce matin, vous êtes bloqué, on va vous aiguiller. L'info trafic. Avec Aurélie, on t'écoute. Alors attention, la perte de temps est estimée à 40 minutes sur le ring ouest. Il y a des files donc entre Halle et Forêt vers Grand Bigard. Sur le ring est, la perte de temps est estimée à 30 minutes entre Braine-l'Alleud et Waterloo. Vous êtes ralenti aussi entre Léonard et Tervuren, de Dilbeek à Forêt vers Halle. Dans l'autre sens, de Grand Bigard à Jette, de Wemmel à Vilvoorde vers Tervuren. Toujours vers Bruxelles, vous êtes ralenti sur la E411 depuis Overez, entre Asserode et Berthem sur la E40 qui vient de Liège, depuis Affligem en venant de Gand, et puis en province de Liège, le trafic est dense en raison de chantier sur la E40 Bâtisse-Loncin de Herve à Herstal. Merci Aurélie. Soyez patient, prudent, bonne route. L'infotrafic avec... Cet été, comptez sur l'assistance voyage Touring. Ce matin, Radio Contact fête la musique avec les artistes belges. Ouais, il y a beaucoup d'ambiance ici. On vous le promet déjà depuis de nombreux jours, tous les plus grands artistes belges sont ici avec nous ce matin. Là, il y a Milo qui va s'installer. Ouais, ouais, on accueille Milo sur Radio Contact en direct ce matin. Bienvenue, bienvenue Milo, bienvenue avec ses musiciens, les équipes. Et on va le laisser s'installer pour l'acoustique. Salut. Ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Tu peux nous rejoindre ici quelques instants avant de, histoire qu'on discute un peu, qu'on fasse un peu connaissance, tout ça, avant de te retrouver. Ce sera pour No, le live dans un instant. Merci d'être avec nous déjà. Merci pour l'invitation. Et merci de parler français, parce qu'on sait que c'est pas ta langue natale. J'ai pratiqué un peu. Ah, tu as pratiqué. Raconte-nous un petit peu ton histoire, Milo, raconte-nous. Où est-ce que je dois commencer? Tu chantes depuis longtemps? Oui, depuis j'étais jeune, donc j'ai enregistré mon premier album il y a 10 ans. Ouais. Et depuis, ouais, d'abord c'était un peu lentement À démarrer. Oui, c'est démarré lentement, mais je suis super content de faire tout ce que j'ai fait j'ai joué beaucoup de concerts partout en Europe et je suis content et fier de mon nouveau album Modern Hearts. Bah oui. Et je suis content d'être ici, de jouer en live sur. Il y a un côté très international, je trouve, dans cet album. Est-ce que tu as envie de dépasser les frontières de... Mais j'ai dépassé les frontières il y a longtemps. Donc, mais le son international. J'ai entendu ça plusieurs fois, mais je pense que c'est parce que je voyage beaucoup et je... Tu t'inspires beaucoup aussi. Je pense que c'est un peu de ça. En Flandre, c'est commencé en 2007, mais immédiatement, j'ai essayé de trouver un public partout dans les autres pays. Donc peut-être c'est influencé par ça. Est-ce que ça fait pas un peu peur quand on joue d'abord seul chez soi et puis on a du succès en Flandre et puis en Belgique et puis en Europe, toutes ces personnes qui partagent quelque part une même passion pour ta musique, est-ce que ça met pas la pression, est-ce que ça fait pas un peu peur, est-ce que c'est pas un peu étouffant à la longue, est-ce que comment on arrive à gérer ça? Pas vraiment de pression. La seule qui me donne pression parfois, c'est moi-même. Donc, ça, c'est bien. Mais c'est seulement de la musique. Hein. C'est pas de foot. La musique, c'est une chanson de 3 minutes. C'est le plaisir, c'est la passion, plaisir. C'est l'émotion. Donc, c'est pas la même. Je veux jamais prendre la musique trop sérieux non plus. Donc. Et tu fais bien. Alors écoute, on va te laisser te préparer. Et d'ici 3 minutes, on t'écoute pour ce live acoustique exceptionnel. Rien que pour nous, ici sur Radio Contact. À live sur Radio Contact dans le Good Morning, qui fête la musique jusqu'à 10h. Et vous, morceau de viande, voulez-vous prendre pour épouse canette de bière ici présente? Vous pouvez embrasser la mariée. Allez, et bon appétit. Ce samedi 25 juin chez Macro, c'est la grande fête du barbecue. Achetez pour 49€ de viande et recevez 15 canettes de bière. Savourez nos autres offres sur macro.be. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ah, extra, s'il n'est pas gagné, il y a une petite blague. Alors attention, qu'est-ce qu'un yaourt dans une forêt? Un yaourt nature! J'aime bien celle-là. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 2 250 000 euros à gagner. Eh ben dans ce cas, j'arrête mes blagues, idiote. Merci loto. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Rejoignez dès maintenant la page Facebook de Radio Contact. Soyez informés des prochains concours et concerts. Ne manquez pas les posts feel good de vos animateurs. Découvrez des interviews, photos et vidéos exclusives et les coulisses de la radio. Connectez-vous sur facebook.com/radiocontact. Elle a gagné grâce à Radio Contact. On appelle une personne qui a été la plus rapide à envoyer le code Kygo. Ça sonne peut-être chez vous. Salut Lidvine, ça te dirait d'aller au concert de Kygo? Oh oui, super. Allez, vendu. Ouais. Lidvine qui vient de Warem. Eh bien, la demoiselle vient de repartir avec deux places pour le concert de Caïgout. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Justin Bieber en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Proximus TV, canal 181. Radio Contact, feel good. Say I just walked away, I will always want you. De Radio Contact avec les artistes belges à l'occasion bien sûr de la fête de la musique. Il nous a rejoint il y a un instant, c'est Milo qu'on va retrouver en direct tout de suite avec le titre No, No, No. C'est maintenant, applaudissements. She was a friend of mine. I noticed her as she passed me by. She didn't even look me in the eye. I tried to think of things to say, poured some wine but she looked away. I didn't even talk to her that night. For a while, I thought I stood a chance. The way she smiled, so sweet. For a while, I thought I'd figure her out, that we were meant to be. But she said no, no. No, she just said no, no, she said no, no, no. People put me in my place. I felt the door slam in my face. Spent a long time standing in the rain. I've been on the losing end. All my dreams seem just pretend. Once or twice thought I would go insane. For a while, I thought I stood a chance. But I was back on my feet. For a while, I thought I'd figured it out, that it was meant to be. But they said no, no, no, they just said no, no, they said no, no, no, no, they said no. lucky break. It only made me who I am today. All the while I always stood a chance. I was asleep on my two feet. Took a while to figure it out. See the forest for the trees. Now I know. Yes, yes. C'était Nonono. Milo qu'on retrouvera tout à l'heure avec Howling at the Moon. Ce sera avant 10h sur Radio Contact. Tout à l'heure avant 8h, il y aura également Puggy, évidemment. On les a pas encore entendus, Puggy. Ils seront là tout à l'heure. Merci Milo, à tout à merci l'heure. Merci beaucoup les gars, merci. Et puis alors, celui qui est arrivé, qu'on va retrouver à 7h40 comme chaque jour. Musicien, c'est... musicien ah oui. Et chanteur ah à oui. 16h06, ah ça oui. va MC. L'artiste que tout le monde attend par grand nombre et chanter en la mineur, voire do mineur si je le sens aujourd'hui. Tu vois. Il est là, MC Furieux. SCC, un du monde ou quoi. MC Furieux, ce sera à 7h40 pile. Tu prévois quoi pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis fâché, je suis pas content parce que vous m'avez pas invité. Ah, ouais, ouais, écoute, mais si, t'es là. Arrête. On fait du teasing. On fait Allez, Pablo Andrés avec MC Furieux à 7h40. Oui, tout à l'heure Puggy, donc ça arrive avant 8h. Il y aura également une belle petite surprise avant 8h. Restez avec nous, vous nous suivez sur Radio Contact, également sur Radio Contact en télévision. Si vous nous rejoignez, on vous fait un petit coucou. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, et des petites photos, etc. C'est tranquille, comme on dit. Hein. C'est fortement bien dit, monsieur. C'est fortement bien dit. Tout de suite, un petit Contact News. Avec joie. Contact News. C'est à 7h30 avec Pauline Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour Maria, bonjour Olivier, bonjour à tous. Alerte à la bombe, toujours en cours au centre commercial City 2 à Bruxelles. La rue Neuve est actuellement bloquée. Est-ce qu'on en sait plus, Nina Zanata? Eh bien, vers 5h30 de ce matin, la police a été avertie d'une situation suspecte. Selon Pierre Meiss, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, une ambulance a été mobilisée pour une personne considérée comme dangereuse. Elle aurait voulu mettre fin à ses jours. L'accès à la rue Neuve est donc totalement fermé. Un périmètre de sécurité a établi. Il y a des barrières, des bâches blanches sur place, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. La circulation sur le boulevard du Jardin Botanique a été interrompue. Le métro Roger, par contre, lui, est ouvert. Merci Nina. Et c'est dans ce contexte de menace et à 3 mois, quasi jour pour jour après les attentats de Bruxelles, que se tiendra aujourd'hui une cérémonie d'hommage aux services de secours qui ont œuvré le 22 mars. La cérémonie se tiendra à l'aéroport militaire de Melsbrook en présence de Charles Michel et de plusieurs ministres. 1 millier de personnes sont attendues. Le signal rouge qui avait été franchi par un train de passagers à Saint-Georges-sur-Meuse le 5 juin dernier n'est pas équipé de la technologie de freinage automatique. C'est ce qu'a confirmé le patron d'Infrabel hier devant la commission infrastructure de la Chambre. Cette technologie de freinage automatique qui se déclenche en cas de problème fonctionne par contre sur la dorsale wallonne. Rappelons que l'accident de Saint-Georges-sur-Meuse avait fait 3 morts et 10 blessés. L'auteur de la fusillade dans un club gay d'Orlando qui a fait 49 morts se serait présenté comme un soldat islamique. Il aurait également fait preuve d'un calme effrayant au moment de l'attaque. C'est ce qui ressort de ses conversations avec la police. Des extraits ont été publiés hier par les autorités américaines. Et près de 10 jours après ce massacre, le Sénat américain a rejeté hier une proposition démocrate visant à durcir les lois sur les armes à feu. La province de Raqqa en Syrie, à nouveau aux mains du groupe terroriste État islamique. Les djihadistes sont parvenus à chasser les troupes du régime de Damas. Nos diables iront-ils en 8e de finale? Réponse, demain soir, la Belgique affronte la Suède à Nice pour son 3e match à l'Euro. Nos diables n'ont pas droit à l'erreur, Eden Hazard le sait. Je pense qu'on va devoir attaquer, on va devoir jouer, on va devoir marquer des buts et si on peut en mettre 3 comme contre l'Irlande, ce serait bien. Parce qu'on a montré nos qualités aussi en contre, donc s'ils se découvrent et qu'on réussit à récupérer le ballon vite, on se projette vite vers l'avant, on a des joueurs qui vont vite devant, donc voilà, on a beaucoup de cordes à notre arc et on espère juste gagner le match. En attendant, les Diables prendront l'avion ce matin en direction de Nice où ils s'entraîneront cet après-midi. Et hier, deux pays, l'Angleterre et le Pays de Galles dans le groupe B, ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale. Aujourd'hui, quatre matchs dans le groupe C, Ukraine, Pologne et Irlande du Nord, Allemagne. Dans le groupe D, République tchèque, Turquie et Croatie, Espagne. Faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Dans la suite en musique sur Radio Contact, Coldplay avec Him for the Weekend. Alors Pauline, on fait le point sur la météo. Aujourd'hui, c'est l'été, mais c'est pas encore tout à fait vraiment l'été. Non, le ciel n'est pas tout à fait d'accord. Hein. Beaucoup de nuages partout et pour tout le monde. Et de la pluie ce matin, on conserve un risque d'averse cet après-midi, mais avec quelques éclaircies, maxima 16 à 21 degrés. Et puis demain, le soleil revient. Bonne nouvelle, donc merci beaucoup Pauline. Ça y est, MC Furieux et Chauboulette, comme on dit. Il arrive dans un instant. Et puis dans la suite, il y aura Puggy également. Radio Contact fête la musique avec les artistes belges jusqu'à 10h. J'ai pas dit le titre. Him for the Weekend. C'est bien, il faut le préciser. Tout à l'heure seront de retour Alice on the Roof. Alice on the Roof qui sera à Ronquerter le 3 juillet, le C'est tout au Ronquer Festival, un événement qu'on connaît bien avec Radio Contact évidemment. Et puis à la baie, c'est presque complet paraît-il, le 25 novembre. De retour également tout à l'heure Grand Georges. À Couleur Café le 3 juillet, le 9 juillet, l'ACMO, le 20 juillet au Francophonie de Spa et le C'est tout au Brussels Summer Festival. Autant de bons moments à passer en musique. L'envie de MC Furieux. ça c'est mon jingle. Si si, MC Furieux dans la place. En ce matin de fête musicale emplie de quiétude et de farandole qui nous caresse le visage comme un doux paix nuptial, une question, Monture Lupine. Y a du monde dans les studios ou quoi? Du bruit! Quand je fais A, vous faites O, A! Sans déchirer, on peut vraiment leur faire n'importe quoi, tu vois. C'est un peu comme Maria quand elle a bu un demi-verre de sangria, tu vois, je vais dire. Explosion! Tranchant comme une tranche de rigolade. Stouf! Je suis sûr que vous vous demandez, Furieux, que nous vaut l'honneur de ta venue. Absolument. Ou comme dit l'expression, quel bon vieux gland t'amène, tu vois. Inutile de te dire, très cher Olivier, oui, que je suis dégoûté. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que tu sais pourquoi Maria, mon frère. Ben non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Vous avez invité blindé des artistes. Vous avez même pas invité l'artiste belge parmi le plus talentueux de sa génération. Sans vouloir m'écraser des fleurs, nul autre que moi-même, Son Altesse Sérénissime, MC Furieux. Ah ouais. Alors j'ai écrit un rap pour exprimer toute ma tristesse. Oui. Mais je vais d'abord faire un test micro si ça ne dérange vas-y, pas. Vas-y, check. Test micro. Tour à tour, dans les tours, pour toujours, comme un troubadour. Je mange un bon flan de chaco à la Lumpur. Ok, c'est bon. Le micro, c'est tout. Vas-y, Gary, envoie le son. Ok, ça c'est autre chose que Milo, tu vas voir, tu vois, je vais dire. Vilain petit canard, ça c'est l'intro, tu vois comment? Écoute bien. Vilain petit canard. Ça c'est le premier couplet, tu vois. Maintenant je fais le refrain. Ok. Vilain petit canard. Parce que j'ai dit deux fois. Ok. Yo, écoute bien ça, cousin. Yi, si. Ok. Maria, quand tu souris, toute ton âme s'illumine. Même quand tu baves comme une vache, quand tu rumines. Je suis jamais senti seul, toujours dans Good Morning. Mais quand je serai disque de platine, comme Beyoncé sera ma copine, couvrez-moi les malines. Je vous mangerai au petit déj, comme de la purée mousseline. Aurélie me dévisage, Olivier fait la fine bouche, c'est bien. Maria, elle veut même pas me rouler un patin, même pas un câlin. Sur Radio Contact, j'ai même pas eu droit des suçons, rien. J'suis le vulain petit canard, Calimero. Personne même qualifie de zéro. Enfant de la casse, j'me casse, j'me fâche, j'm'en masse, j'm'en... rime en hache. J'suis le meilleur des chanteurs, même si j'porte pas de moustache. Explosion! Ah, le niveau est trop, Tu comprends maintenant pourquoi on t'avait pas invité. Ok, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Big up à mes femmes, je vous aime tellement que c'est bien. Mais ouais, Si. Pablo Andrés est MC Furieux. Retrouvez-le sur la page Facebook du Good Morning. Dans un instant, ils arrivent. Puggy. Ils se préparent, ils sont là. En attendant, c'est Chris Cab avec Badabing sur Radio Contact. Vous nous rejoignez sur Radio Contact ce matin ou sur Radio Contact en télévision. On passe un très très bon moment. C'est la fête de la musique aujourd'hui, 21 juin, avec les artistes belges que vous aimez sur votre radio. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon, you know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more. Kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a man dash. She was done. She laid her head on the sofa bed. And you know what happened then? moving that way. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a mad dash. Hey now, hey now, what a way to get it started. Hey now, hey now, I'm on the run, I'm on the run. Hey now, hey now, what a way to join the party. Hey now, hey now, I'm on the run, I'm on the run. Radio Contact, 7h44, vous êtes bloqué dans les bouchons ce matin, on vous détend avec les artistes belges, ça revient dans un instant, mais d'abord c'est Aurélie qui vous informe. L'info trafic. On t'écoute Aurélie. Alors il y a plus de monde que d'habitude sur la E40 Bâtisse-Loncin. Le trafic est à l'arrêt après Bâtisse jusqu'à Herstal. Vous perdez 30 minutes sur cet axe. Alors il y a également des files plus loin entre Asserode et Berthem et ensuite à hauteur de Reyers. C'est à cause des travaux dans le tunnel Reyers-Mézères et Reyers-Montgomery. La voie de gauche est fermée. Sur les axes, ça coince depuis Overhead sur la E411, entre Malines et Zem sur la E19. Et puis deux tronçons sont bien encombrés également ce matin. C'est sur le ring de Bruxelles, de Halle à Forêt vers Grand Bigard et de Braine-l'Alleud à Waterloo vers Zaventem. Merci Aurélie. Ah, j'arrive, super, hein, qui commence pas sans moi. Hein. Ah, descends vite, oui, parce qu'ils vont, démarrer dans un instant. C'est Puggy, patience, prudence, bonne route. L'infotrafic avec... Wouhou. Partez en vacances en toute insouciance avec l'assistance voyage Touring. Ce matin, Radio Contact fête la musique avec les artistes belges. Ouais, c'est carrément énorme, ça va toujours ici. Une ambiance de feu ce matin en public sur Radio Contact dans le Good Morning avec nos lives exclusifs acoustiques. Et là, c'est Puggy qui s'installe. Wow. Magnifique. D'abord, vous avez tout mon respect, messieurs, de chanter si tôt ce matin. Puggy avec, pour démarrer là tout de suite, le titre Soul en live sur Radio Contact ce matin dans le Good Morning. On fête la musique. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems it's all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No, no, no, no, no, no, no. Now's the time to understand. No, no, no, no, no, no, no. And now I see how we could be so young, feeling like we're so strong. Always believe you always. On a envie de se rouler en boule. C'est énorme. Puggy en live sur Radio Contact. Merci les garçons. Mathieu, tu peux nous rejoindre peut-être 2-3 minutes quand même qu'on puisse discuter. Puggy qui, qu'on connaît bien évidemment, on se souvient il y a quelques semaines, ils étaient venus nous rendre une petite visite et puis pour nous proposer un beau projet. C'était l'organisation d'un concert quelque part en Belgique et ils nous avaient mis au défi de trouver une salle pour organiser ce concert. C'est maintenant chose faite, ça a cartonné ce concours. Hein. Ah c'est cool, super, bonne nouvelle. Et donc du coup, vous allez vous retrouver dans la province de Liège, c'est bien ça ? Absolument, du côté de... C'était Dolin-Limbourg, si je me souviens bien, le cursal à Dolin-Limbourg. Ça va être énorme. Et franchement, ils se sont tous bien battus, là, toutes les provinces, les villes, etc., pour vous accueillir. C'était vraiment le délire. Alors, comment vous allez ? Bien, en fait, donne-moi 5 minutes parce que j'ai très peu d'oxygène qui montait jusqu'au cerveau. Tu vois, quand tu chantes comme ça à 7h du matin, donc pour l'instant, j'ai la tête un peu qui tourne. Mais ça, sinon, ça va, c'est cool. Bon, alors là, vous nous réservez une petite surprise. On va quand même l'annoncer parce qu'on trépigne. Alors, il y a une petite surprise qui nous attend. On va peut-être pas tout dire. On va juste dire qu'il y a un duo. Ouais. Vous allez faire un duo dans les prochaines minutes avec un autre artiste présent aujourd'hui. Voilà. Non, c'est demain ça. Les mecs, ils sont au courant. Tout à fait, absolument. Mais on va pas dire qui, on va réserver la surprise, mais franchement, ça va être à ne pas manquer. C'est tout à l'heure, forcément, avant 10h sur Radio Contact. On aura le plaisir de vous retrouver, entre autres, pour ce moment absolument incroyable qui s'annonce et exclusif sur Radio Contact. Et franchement, on a hâte. Donc voilà, Annie Cordy ne va pas tarder. Elle sera bientôt là et on va s'éclater. À tout à l'heure. Je comprends pas. Tout à l'heure, Mathieu. Celle qui nous rejoint maintenant, c'est Patricia Milis. Voici votre horoscope pour cette journée de... Quoi aujourd'hui ? On est mardi. 21 juin, je te signale. On est mardi. Oh là, c'est dit. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Bélier, la chance sourit aux audacieux. Saisissez les opportunités qui se présentent dans le secteur professionnel. Taureau, ça y est, les vacances approchent à grands pas et comme vous êtes prévoyant, tout est déjà bouclé. Gémeaux, une petite entrée d'argent est possible. Plutôt bienvenue avant les vacances, souriez à la vie. Cancer, les émotions sont intenses dans les couples. Est-ce la chaleur de l'été qui vous met dans un tel état ? Lion, vous misez tout sur la santé et sur votre capital énergie. Rien de mieux qu'une bonne mise en forme avant les vacances. Vierge, les amours se dessinent en mode tendresse. Les liens sont forts et puissants. Les nouvelles histoires sont plutôt charnelles qu'amoureuses. Attention ! Balance, vous décidez de faire le grand nettoyage dans votre habitation. Vous triez, vous jetez et vous vous sentez mieux. Scorpion, le dialogue est puissant, les mots se diffusent au bon moment, au bon endroit et vers les bonnes personnes. Sagittaire, les finances s'équilibrent plutôt bien, vous avez compris votre mode de fonctionnement. Capricorne, le trio Lune, Jupiter et Pluton amènent la chance financière, tentez donc votre chance au jeu, on ne sait jamais. Verseau, la prudence est votre maître mot aujourd'hui, pas question de déborder de votre cadre, vous restez sage. Poisson, vous recevez une aide puissante de vos amis. Vous pouvez vraiment compter sur eux. Merci la vie. Excellente journée estivale à tous. C'est Radio Contact, le Good Morning jusqu'à 10h. Merci Patricia. On revient dans un court instant avec, on l'a dit, un duo exceptionnel. Ils sont en train de s'installer. Ce sera Puggy avec Alice on the Roof. Le Good Morning revient sur Radio Contact après ça. Garagisto, mi pneu est à platos. Ça te donnait ? Toi, remplaçard, pneu d'émi. Que plaçard, pneu d'émi ? Ouais, laisse ça ton bar, on va se débrouiller aussi. Vous partez bientôt en vacances ? En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour des vacances sans souci. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Il fête son anniversaire dans un karaoké. Ouais, je te préviens, moi je chante pas. Hein. Ah bah moi non plus. Abuse parfois un peu. Si on pouvait s'aimer pour toujours. Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be/full control. Proximus, infiniment proche. C'est moi, Hip. Nos diables rouges vont faire suer les Suédois. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Justin Bieber, en concert avec Radio Contact. Now. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Du lundi au vendredi, 16h-20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Côté message, Nathan. Oui, on a reçu, on a envoyé, non, en fait, j'en ai pas enregistré là tout de suite. J'ai paniqué là d'un coup. Ouais, il a voulu masquer, en fait, non. Non, mais je suis désolé, mais j'ai paniqué, voilà. Ouais, c'est pas la première fois. David Antoine, 16h-20h sur Radio Contact. Feel good Radio Contact. Matin. Radio Contact, faites la musique avec les artistes belges. Bientôt 8h, 7h passées de 56 minutes. On vous avait promis un moment exclusif, exceptionnel avec nos artistes belges qui sont là ce matin. C'est maintenant. Vous les voyez sur cette scène si vous nous suivez sur Radio Contact en télévision. Pour vous qui êtes là ici, on va vivre un moment exceptionnel avec une reprise d'un titre de 1984, Maria. Oui, c'est très très bien. J'étais pas née. Hein, donc... Menteuse. De Smith, le morceau Please, Please, Please, Let Me Go What I Want. Sur scène, ici, rien que pour vous, dans le Good Morning sur Radio Contact, Puggy et Alice on the Roof. Radio Contact, Puggy et Alice on the Roof. Please, please, please, let me get what I want. Morceau sorti en 84 et signé de Smith. On vous retrouve tout à l'heure et tout de suite, bah, il est 8h, on va s'informer en région. Hello, bienvenue tout le monde pour cette matinée spéciale, spéciale fête de la musique. On est ensemble jusqu'à 10h en live. Il est 8h. Radio Contact. my world, world. Come here and visit my world. Did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings awaiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Visit my world, did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings awaiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Me one more time. Les artistes belges, Maria, on passe vraiment un bon moment. C'est absolument magnifique. Et puis on entre potes ce matin avec le public qui est venu d'un petit peu partout. Ça va les copains? Ça circule, on est là tranquille, on se prend le petit déj, tout va bien. On est tranquille, tout va bien. On remercie d'ailleurs Douegbert, ils sont venus avec leur Airstream pour nous servir du très bon café. On les remercie d'être là, franchement, c'est absolument excellent. Ah, pour moi, ils peuvent être là tous les matins. Ah non, mais c'est ça vrai. Change de la machine, quoi. C'est tu vrai. Vois, le vieux numéro 12, là, au tapis. Ah, c'est 12, toi. Ouais, moi, c'est 12. Ah, moi, c'est 10. Ah, ouais, moi, c'est le cappuccino qui vire un peu de temps en temps. Ouais, tu vois, il vire pas bien. Ça va pas bien, ça part en sucette. Par contre, ce matin, ça part pas du tout en sucette. Alors, je peux vous dire que les artistes qu'on a retrouvés jusque-là, on va les retrouver encore dans les prochaines minutes avant 10h avec d'autres moments live exceptionnels, entre autres Delta. Ils ont ouvert le bal ce matin, Delta. Il y aura aussi Milo. Baby, qui a déjà assuré ce matin aussi. Oui, qui reviendra avec Howling at the Moon. Grand Georges également. Oui. Magnifique aussi, Grand Georges. Attends, il a interprété So Fine tout à l'heure, c'était excellent. Comment peut-il avoir une voix aussi cristalline de Grand Matin? On ne le saura jamais. Non. On ne le saura jamais, non. Olivier. Alice on the Roof. Sans oublier, évidemment, les incontournables Puggy. Un duo exceptionnel il y a quelques minutes avec Alice on the Roof, le titre des Smiths, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want, c'était génial. Une matinée incroyable grâce à tous ces acoustiques et ces artistes belges, soulignons-le encore une fois. On fête la musique encore aujourd'hui. David Guetta dans la suite avec Zara Larsson, on va plutôt être dans l'ambiance football, like This One's For You. La météo aujourd'hui. écoute, que te dire que sinon qu'il y aura encore de la pluie aujourd'hui. Il y aura de la pluie, il y aura des averses et puis ça va doucement commencer à se calmer. On aura des températures jusqu'à 20 degrés et demain, retour du temps sec. Dans la suite, on va discuter un petit coup avec Puggy et Alice on the Roof. Et puis dans les prochaines minutes, un prochain live, ce sera celui de Delta. Waouh! David Guetta et Zara Larsson sur Radio Contact. This one's for you. Ce matin, Radio Contact fête la musique avec les artistes belges. Oui, absolument. Ils sont avec nous. Ils ont offert un duo absolument sublimissime il y a quelques minutes. C'est Puggy et Alice on the Roof. Merci encore. Merci, plaisir. C'était génial. Alors justement, l'idée de ce duo, elle est arrivée comment? Qui a eu l'idée? Qui a proposé à qui? Comment ça s'est fait? Ben, on savait qu'on allait se retrouver aujourd'hui ensemble et je pense on n'arrête pas de se croiser partout en fait en festival. J'ai toujours rêvé d'accomplir ce qu'on a fait aujourd'hui. Ah, ouais, c'était un peu un kiff personnel aussi en même temps. Ah, c'est mignon comme tout. Et vous, c'était Et donc en fait, Alice nous a envoyé une petite maquette de ce morceau, Desmets. Moi qui ai un morceau que j'aimais déjà beaucoup avant. Mm-hmm. Et donc elle avait déjà fait une petite version réharmonisée, elle avait déjà changé des accords, des trucs, et puis sa voix qui est vraiment magnifique posée ouais. déjà dessus. Et donc, on a entendu ça, on a fait, mais évidemment, ça va être super, on peut faire un truc vraiment élégant avec ça. Et on a juste complété le petit bout à la fin, mais essentiellement, elle arrivait avec le truc était déjà fait et fini, et ça sonnait déjà super bien. Quoi. Non, c'était magnifique. Alors, on a répété hier tout l'après-midi. Pour ceux qui. Je vois tes paroles en plus, je suis là, ouais, c'est dingue. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques minutes, Gary peut nous balancer un petit extrait de ce qui a été fait en live il y a quelques minutes sur Radio Contact. Please, please, please, send me C'est vrai que vos voix vont super bien ensemble. Magnifique. C'est j'ai l'impression que vous avez tout le temps chanté, enfin vous chantez ensemble depuis, depuis des lustres. Donc, moi je chante sur le disque d'Alice chez moi, tu vois, le matin, je mets. Donc j'ai appris à mettre bien dessus. Voilà. Et tu mets ses robes aussi, m'a-t-on dit, de temps en temps. Seulement dimanche. Et là, tu le disais, vous avez réalisé quelque part un kiff perso, mais si vous deviez imaginer un autre duo avec quelqu'un, respectivement, toi Alice, ce serait qui par exemple? Alors, dans l'absolu, un duo que tu rêverais de faire, voilà. Oh, j'aimerais bien peut-être une fois faire un co-duo d'animation sur Radio Contact. Ah ouais. Écoute, franchement, on fait ça, attends, je ça. Dis pas, tu fais quoi demain 6h? Ah non, mais sérieux. Bon, et vous, dans le... Moi, le matin sur Contact, je suis pas hyper tenté. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites, mais j'aime encore bien dormir. Okay. Sinon, musicalement parlant, il y a tellement de monde mort-vivant. Déjà, c'est un peu compliqué. Hendrix, ça aurait été vraiment un rêve. Moi, j'aimerais bien. Moi, je ferais du café pour Sophie and Stevens, juste pour le voir travailler, pour entendre comment il bosse. Lonnie Dare aussi. Enfin, il y a plein. Helmut Lotti. Ce serait hyper intéressant de voir comment il travaille. Déjà, oui, bien comment, sûr. Tu vois, comment il. Absolument. Bon, merci en tout cas d'être avec nous une nouvelle fois. On vous retrouvera un petit peu plus tard tout à l'heure. Ceux qu'on va retrouver dans la suite, alors ils ont ouvert le bal en début d'émission, c'est Delta. On les retrouvera avec le titre Héréditaire dans les prochaines minutes. C'est sur Radio Contact qui fête la musique avec les artistes belges en ce 21 juin. Bon réveil! Marre d'un tête-à-tête avec votre GPS dans les bouchons? Téléchargez l'appli Commande et trouvez le partenaire idéal pour votre covoiturage. Une initiative de la Wallonie. Chérie, ils viennent jouer quand déjà les Stones? Les Stones après-demain, je crois. Oula, faudrait qu'on fasse un peu de place dans le salon quand même, non? Bon... C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Ce mardi, jackpot de près de 30 millions d'euros. Jouez à Euromillion dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. L'été arrive, au travail aussi. Vos collègues partent en vacances et vous, vous vous mettez au travail. Le moment est venu de ranger l'entrepôt et l'atelier. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Des boîtes de rangement aux tables de pique-nique et des étagères aux ventilateurs. Rendez-vous vite sur manutan.be, puis au boulot. Manutan, all you need with love. Carglass répare. Carglass remplace. Une vitre latérale brisée, on a envie de la faire remplacer tout de suite. Chez nous, chez Carglass, c'est possible grâce à notre grand stock de vitres. Nous vous aidons le jour même. Appelez-nous gratuitement ou prenez rendez-vous sur carglass.be ou via notre application smartphone. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Nos Pires Voisins 2 et Ninja Turtles 2. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Radio Contact, partenaire du cinéma ensoleillé. Avant de réserver, regardez sur sunjets.be. C'est maintenant ou jamais sur sunjets.be. Réservez vite vos vacances d'été last minute à Majorque ou en République dominicaine et profitez de réductions jusqu'à moins 50%. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Sunjets.be. Partez malin, payez moins. Particulièrement bien ce matin. Ah ouais, vraiment. Une belle ambiance, un bel esprit sur Radio Contact ce matin, encore plus que d'habitude, puisqu'on accueille des artistes en live et ça, vraiment, on adore. On discutait avec Puggy il y a deux minutes et ils nous ont dit Delta, ils ont chanté à quelle heure? Alors, c'était à 6h45 tout à l'heure. En visant la lune, c'est eux qui ont démarré et c'était juste excellent. Comment vous avez trouvé Delta? Attends. Tout à l'heure? Attends, ils ont assuré, mais il est grave. Et c'est là que tu vois les vrais artistes. C'est là que tu vois les vrais artistes. Mais effectivement, oui. On les a tous invités ce matin, ceux que vous avez, ceux que vous préférez. Et ils ont tous répondu positivement à cette invitation. Justement, à propos de Delta, ça vous dirait de les retrouver? Ouais. Pour un autre morceau, c'est tout de suite Delta avec Héréditaire Delta. Allez-y les gars, guitare à la main. C'est que du live. Rebonjour. Rebonjour, ouais. Thank you. parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Toutes tes blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire, la même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Puisqu'on est tous un peu pareils, on se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Celui que l'on crie, que ce soit son nom qui le porte, ou qu'il crève anonyme, qu'il soit de ceux qu'on acclame, ou de ceux qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme, qu'il s'éteigne seul en mémoire, puisqu'on est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer le doigt. Radio Contact avec ce morceau héréditaire, effectivement, c'était Delta. Il est 8h passées de 18 minutes. Et l'infotrafic avec Aurélie. L'infotrafic. On t'écoute, Aurélie. Alors, on va faire le point concernant les embarras de circulation suite à l'alerte terroriste au complexe commercial City 2 à Bruxelles. Il est toujours impossible de circuler sous le boulevard du Jardin Botanique, ce qui provoque de gros soucis dans le secteur. C'est le cas notamment sur la rue Royale qui est très encombrée. Pas de perturbation en revanche pour le métro. Le métro Rogier circule toujours. Attention, il y a un piéton qui a été aperçu il y a peu sur la E25. C'est aux alentours de Sprimont vers Liège. La situation est dangereuse à cet endroit. Toujours en province de Liège, c'est la pagaie ce matin sur la E40 Bâtisse-Loncin. La perte de temps est estimée à 1h15 de Bâtisse à Herstal. Et puis plus loin, on note des files également de Berthem à Woluwe-Saint-Etienne vers Bruxelles. Vous êtes ralenti depuis Overay sur la E411, depuis Malines Sud sur la E19. Ça se complique sur le ring de Bruxelles où vous devez rajouter 45 minutes à votre temps de parcours sur la partie extérieure de Braine-l'Alleud à Tervuren, 30 minutes de Grand Bigard à Forêt vers Halle, 45 minutes dans l'autre sens de Halle à Forêt, 20 minutes de Grand Bigard à Ville. De 10 minutes de Woluwe-Saint-Etienne à Tervuren vers Waterloo. Merci Aurélie. Soyez patient, prudent, bonne route. L'infotrafic avec vol annulé, voyageurs dédommagés. Comptez sur l'assistance voyage Touring. Il est de retour avec nous, c'est Grand Georges. Grand Georges qu'on a déjà pu écouter ce matin très tôt. Alors, je vais être totalement honnête avec toi, Grand Georges. Je n'avais pas encore eu l'occasion de t'écouter en live. Forcément, je te connais via la radio, via ta musique, mais j'ai été sublimée. Sincèrement, quelle voix, quel plaisir tu as à interpréter et à nous emmener là-dedans, quoi. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et oui, c'est vrai que j'y prends énormément de plaisir. Ouais. Aujourd'hui, je suis venu tout seul et c'est sympa parce que c'est un exercice que je fais pas très souvent. Oui, c'est une formule trio normalement. En général, on est en trio et

On est mardi aujourd'hui, c'est surtout le 21 juin, c'est la fête de la musique. Ce matin, Radio Contact fête la musique avec les artistes belges. Avec les artistes belges que vous adorez, Delta, Milo, Alice on the Roof, Puggy qu'on retrouvera tout à l'heure. Et puis là, Grand Georges, alors on a écouté, on a bu les paroles de So Fine, c'était juste adoré. Sublimissime tout à l'heure. Grand Georges qui est de retour là tout de suite, c'est le nouveau single de Grand Georges, Old Friends. Et c'est maintenant en live sur Radio Contact dans le Good Morning. What if I was a little bird and I could fly around the world? You just would have to say a word for me to ring down at your door. Just 1 minute. Leap up the stairs and push your door like I've been there 100 times. Get coffee red like I'm home while you get ready for tonight. I want to dream my life and make it come true. I want to love my life, for if I don't say who, get out in yellow, yellow cab, you drive with your gift of the gab. Barely out of the crazy car, the two of us lean on the fire. Who could say it's not been a year I didn't hang out with you, sir? Feels like it was all yesterday, my old friend has got a play. I want to dream my life and make it come true. I want to live my life, for if I don't say who, and I need to spend my life with those who love me too. And so much enjoy this life because I love you. Let's go crazy, let's get loud. Nothing counts, just you and I. It's a long way to sunrise. Every corner has surprise. Let's go crazy, let's get loud. Nothing counts, just you and I. Love me, lady, for your eyes. You just hear, what a surprise. I guess I'm not a little bird and I can't fly around the world. Need more than just a couple words to get you knocking at my door in just 1 minute. Now we're all traveling the world, we know we can get but a few. But crazy as we are, we know that we'll get those nights again. I want to dream my life and make it come true. I want to live my life, for if I don't say who, and I need to spend my life with those who love me too. And so much enjoy this life because I love you. I wanna dream, I wanna dream my life and make it come true. I want to love my life. Merci beaucoup. C'est le nouveau single de Grand Georges, Old Friends, sur Radio Contact en live. On rappelle les dates de concert pour Grand Georges, Maria. Oui, alors notamment il sera le 3 juillet à Couleur Café, le 9 juillet à la CEMO. Ouais, également le 20 juillet au Francofolie de Spa. Et puis en août, le 7 août, ce sera au Brussels Summer Festival. Et on rappelle le titre de l'album à vous procurer d'extrême urgence si ce n'est déjà fait, So Logical. Merci Grand Georges. Dans un instant, le concours Enrique Iglesias, c'est énorme, c'est toute cette semaine, c'est sur Radio Contact. On vous promet le tête-à-tête avec lui. Attention, oui. Le tête-à-tête à Miami. C'est pas possible. Une ville que tu connais oui. bien. Bah oui, évidemment. J'y ai été plusieurs mois, ça ne se voit pas, mais voilà. Mais il y a beaucoup d'hispaniques là-bas. Ce sera, bah oui, évidemment. Bah oui, donc du coup, tu parles espagnol. Cela, bah oui, évidemment. Oui. Ce sera dans les prochaines minutes sur Radio Contact, ne bougez pas. Soutenir les Belges à la piscine. Allez Kevin. Ou soutenir votre enfant au mini-club. Allez Kevin. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Contact News. C'est à 8h30, tout pile, avec Pauline Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour Maria, bonjour Olivier, bonjour à tous. Un périmètre de sécurité important est toujours en place autour du complexe commercial City 2, dans le centre de Bruxelles, où une alerte à la bombe est toujours en cours depuis 5h30 ce matin. Une opération terroriste est en cours. Le service de déminage de l'armée est présent. Alors Nina Zanata, on vous retrouve au centre de crise. Est-ce qu'on en sait plus ce matin sur cette opération? Eh bien, un homme suspecté était retrouvé ce matin près de City 2. Il se pourrait qu'il portait une ceinture d'explosifs. Selon Pierre May, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, une ambulance a été mobilisée pour cet homme considéré comme dangereux. Il voulait apparemment mettre fin à ses jours. Très tôt ce matin, vers 5h30, la police a été avertie d'un colis suspect. Les démineurs et les services de secours sont donc sur place. Un périmètre de sécurité a été installé. Il y a des barrières, des bâches blanches. La rue 9 est donc toujours bloquée en ce moment. La circulation sur le boulevard du jardin botanique a été interrompu. Le métro Roger, lui, par contre, a été ouvert. Donc, un conseil national de sécurité se tient en ce moment. Merci Nina pour toutes ces précisions. Les 6 personnes interpellées hier à Bruxelles dans l'enquête sur l'attentat manqué du Thalys en août dernier ont toutes été relâchées après audition. Elles n'ont pas été inculpées. Le parquet indique qu'il s'agissait de simples vérifications. À l'étranger, un Britannique de 19 ans inculpé pour avoir tenté de tuer Donald Trump. L'incident est survenu samedi soir lors d'un meeting du candidat républicain à la Maison Blanche à Las Vegas. Le jeune homme a tenté de s'emparer de l'arme d'un policier avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre. Il est actuellement détenu sans possibilité de libération. Le Britannique risque jusqu'à 10 ans de prison. Parlons football à présent. À l'Euro, 2 pays ont décroché leur ticket pour les 8e de finale hier dans le groupe B. Il s'agit de l'Angleterre et du Pays de Galles. Aujourd'hui, 4 matchs dans le groupe C, Ukraine-Pologne, Irlande-Allemagne du Nord et dans le groupe D, République tchèque, Turquie et Croatie. Espagne. Enfin, toujours en football, mais chez nous cette fois, René Weller a dirigé hier après-midi son premier entraînement à Anderlecht, où il a ensuite été présenté officiellement. Le coach suisse de 42 ans vient de s'engager pour 2 ans au Sporting et il se montre plutôt confiant. Non, je dois pas parler, hein, je dois montrer quelque chose, tout le monde va montrer quelque chose, hein, moi comme entraîneur, les joueurs, le club, et après j'espère bien qu'ils vont être contents avec tout le monde. Ce sont des expériences, de temps en temps on cherche ça, c'est nouveau. J'espère bien que je peux réussir aussi, je peux faire la connaissance avec beaucoup de nouveautés et je suis sûr que ça va fonctionner. Et on termine par du tennis. 3 Belges tenteront aujourd'hui de se qualifier pour le tableau final des simples dames à Wimbledon. Elise Mertens, Isaline Bonaventure et Anne-Sophie Mestac. Dans la suite en musique sur Radio Contact, Charlie Puth avec One Call Away. Pauline, on fait le point sur la météo, c'est pas terrible une fois de plus. Non, beaucoup de nuages ce matin et de faibles précipitations, surtout dans le sud du pays. Ensuite, cet après-midi, ce sera un mix entre nuages, pluie, mais aussi des éclaircies, maxima 16 à 21 degrés. Oh, si on s'en fiche, aujourd'hui on fait de la musique. Ouais, absolument. Plus rien n'a d'importance. Plus rien. On passe vraiment de bons moments ce matin jusqu'à... Quoi? Oh, c'est beau ce que tu dis. Ta chemise à carreaux. Tu sais que tes yeux noirs sont pas mal non. Oh bah écoute, arrête. Arrête, stop it now. Stop it now, please. Dans la suite sur Radio Contact, on va parler Enrique Iglesias. Est-ce qu'il a de beaux yeux, Enrique Iglesias? Bah, il a tout beau, c'est lui. Oui. Ah, je peux te dire, je regarde pas les yeux. Il n'y a rien acheté. Enrique Iglesias, vous allez peut-être pouvoir le rencontrer à Miami. C'est exclusif, c'est sur Radio Contact, c'est dans les prochaines minutes. Bon réveil. Le good morning. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one. Yeah. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. And when you're weak, I'll be strong. I'm gonna keep holding on. Now don't you worry, it won't be long. Darling, when you feel like hope is gone, call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one. Call away. I'll be there to save the day. Superman. Très bon, ça aussi, s'il a envie de passer un de ces quatre, il est le bienvenu. C'est quand il veut. Charlie Puth avec One Call Away sur Radio Contact. Radio Contact vous offre votre rencontre avec Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. I am Enrique Iglesias. Ami, ami. Et alors lui, je vous dis pas, hein. Enrique Iglesias, quoi. Lui, c'est quand il veut, où il veut, oh là là là du là soleil, là. De la pluie, tout ça, on s'en fiche écoute, complètement. Écoute, pas du moment qu'il me paye le resto. C'est énorme ce que Radio Contact vous offre, à savoir un tête-à-tête à Miami, on vous l'a dit, avec la star planétaire Enrique Iglesias. Envolez-vous pour la Magic City le 7 juillet jusqu'au 10 juillet. La rencontre est prévue le 8 juillet. Vous allez non seulement le rencontrer, mais en plus passer un chouette petit séjour, un city trip, on peut le dire, oui. À Miami, qui va être vachement sympa avec tout compris, hôtel, transport et rencontre avec Enrique Iglesias. Alors pour jouer, il faut vous inscrire. Vous envoyez Enrique, E-N-R-I-Q-U-E, par SMS au 6091. 1,10€ par participation. Et le principe, il est simple. Hein. On sélectionne un candidat dans quelques instants, on l'appelle. Oui. Et puis Gary diffusera la petite musique trompette espagnole. Voilà, on l'entend derrière. Et juste après, il faut dire olé. Ouais, tout simplement. Si vous dites olé, vous êtes sélectionné, vous passez en finale, vous répondez à la question subsidiaire et vous serez peut-être donc bientôt face à Enrique Iglesias. Si vous dites pas olé, voilà. On va faire un exemple ici en public, par exemple. Ah, par si exemple. On dit, vas-y, lance de la musique. Oula, oula, elle s'emballe. Elle s'emballe, excusez-moi, elle s'emballe. J'ai bugué. J'ai bugué. Pourquoi je bug? C'était mon live acoustique à moi. La poule sans tête. Alors, remets les mots dans l'ordre, Maria. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit exemple ici si on vous dit, genre, on vous lance la musique? Vas-y, Gary. Ça partait d'une bonne idée pourtant. Ça partait d'une bonne idée, mais il faut jamais mettre tous les mots en même temps, tu vois. Oh là là, c'est là ça là. Le truc, hein, ouais. C'est ça le truc. Bon, allez-y, participez, envoyez maintenant Enrique par SMS 6691, 1,10€ par participation. Bonne chance. C'est fatigant d'être moi, les gars, je vous jure. Non, c'est vrai, c'est très fatigant d'être moi. Et puis elle arrive dans les prochaines minutes pour un autre live, ce sera Easy Come Easy Go, Alice on the Roof. On fait de la musique sur Radio Contact. Pour moi, le match ne commence pas avec... Non, t'as raison, il ne commence pas non plus avec... Tout à fait d'accord, il ne commence même pas avec... Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce début. Non, pour moi, le match commence... Avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. Il n'y a qu'une seule radio qui peut vous offrir... Rihanna à Atlanta et Barcelone. Le concert de Puggy dans votre ville. Vos places front stage pour le concert de Beyoncé. Votre city trip à Los Angeles et New York. Et les tout derniers accès pour Tomorrowland. Radio Contact. Votre radio. On the Roof sur Radio Contact en direct dans le Good Morning. Alors Alice nous faisait une petite révélation tout à l'heure. Elle nous disait qu'elle rêvait d'être animatrice. Oui, mais on le redit, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. On se programme ça, on se fait ça. On va se faire des petits entraînements. Mais non, mais demain, dès 6h, moi je te propose de t'entraîner juste Alice avant. Alice on the Roof. Et tu pourrais t'annoncer, ce serait génial, quoi, tu vois. C'est ma fille qui fait tout. Elle s'auto-annonce, elle se désannonce, voilà. Alors tout à l'heure, on a vécu un très très beau moment. Il y avait Lucky You, puis il y avait le duo avec Puggy. C'était un de tes rêves, c'est ça? Oui, oui, bah, je les connais depuis très longtemps. C'est marrant parce que, pour la petite histoire, la première fois que je les ai rencontrés, c'est quand ils sont venus faire un concert dans mon école secondaire quand j'étais Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Ça fait quoi de réaliser un de tes rêves là ce matin grâce à Radio Contact? Tous les jours. Ah, c'est vrai. Et notre kiff à nous, c'est de t'écouter chanter. C'est ce qu'on va faire maintenant avec le titre Easy Come, Easy Go en live sur Radio Contact. C'est Alice toi. On the Roof. Take it all on board. I've got a crown to call. Everything coincides. Heavy are these skies. I wanna make a vow to make this right somehow. It's killing you inside. Fighting against the tide. I'm sinking like a stone. Easy. In the snow, I follow where you go. In my mind, I've made a plan. In my mind, I understand. Take me back to the start, to mend the broken line, to see what I'd become, to right the wrongs I've done. Easy come, easy go. Easy come. Easy come, easy go. Sublime. Alice on the Roof sur Radio Contact. On rappelle quelques dates pour Alice on the Roof qui sera sur scène, mais plein de dates cet été, notamment à Roquewater le 3 juillet, ça va être énorme ça aussi. Absolument, hein. Oui. Au Ronquière Festival, on aura l'occasion de s'y recroiser, ce sera le 7 août, et puis à l'Abbé, c'est quasi complet paraît-il, à l'Abbé, à Bruxelles, ce sera le 25 novembre. Merci Alice. Tu nous as fait planer Alice. Allez, l'infotrafic. Retour sur terre maintenant. C'est avec, tout de suite moins planant. Ouais, avec l'infotrafic. Alors, du coup, à cause de l'attaque terroriste, enfin en tout cas de l'alerte terroriste, le complexe commercial City 2 à Bruxelles est toujours fermé et les environs aussi. Il est impossible de circuler sur la place Rogier, de rue Neuve entre City 2 et Lino, tout comme sur le boulevard du Jardin Botanique, entre le boulevard Adolphe Max et la rue du Marais. Une situation qui engendre pas mal de soucis dans le secteur. C'est le cas notamment sur la rue Royale, sur la petite ceinture du tunnel Léopold II au tunnel Botanique vers le midi. Il y a des difficultés également pour rejoindre le quai de Willebroek. Sur le ring ouest de Bruxelles, le chantier de Forêt est à l'origine de longues files ce matin. Vous perdez 50 minutes de Hall à Forêt vers Grand Bigard, un peu plus de 30 minutes de Jette à Forêt vers Hall. Ça ne circule pas mieux sur le ring est. Il vous faut 45 minutes de plus pour relier Braine-l'Alleud à Tervuren vers Zaventem. Vous êtes au ralenti depuis Overijse sur la E411, depuis Berthem sur la E40. Et puis le secteur à éviter ce matin également, c'est la E40 Bâtisse-Loncin. Vous êtes fortement ralenti entre Bâtisse et Herstal. La perte de temps est estimée à plus d'une heure. C'est en raison d'un chantier mobile. Vous passez de 3 à 2 voies entre Hervé et Herstal. Merci, Chocobalaka. Patience, prudence et bonne route. L'infotrafic avec vol retardé, voyageurs dédommagés. Comptez sur l'assistance voyage Touring. Adèle dans la suite sur Radio Contact. Send my love to your new lover. C'est le Good Morning en live jusqu'à 10h avec les artistes belges. Radio Contact vous offre votre rencontre avec Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Hi, I'm Enrique Iglesias. Lui, c'est pas un artiste belge, mais il est le bienvenu quand même quand il veut, Maria. Oh, ben oui. D'accord, merci. Alors, un tête-à-tête à Miami avec la star internationale Enrique Iglesias, c'est ce qu'on vous propose cette semaine du 7 au 10 juillet. Rencontre le 8 juillet, un jour que vous n'oublierez plus jamais si vous êtes le grand gagnant. On vous offre tout, hein, l'hôtel, le transport et puis votre rencontre, votre tête-à-tête avec, avec l'artiste. Il fallait envoyer un SMS, Enrique. On va vous appeler. C'est ce que vous avez fait massivement. Alors, on rappelle qu'on va appeler là tout de suite quelqu'un, que la personne doit forcément décrocher. Elle va dire allô, tout va bien. La petite musique de Gary. Et puis après, un olé. Sinon, pas de finale. Attention, on appelle. Faut juste que ça sonne, en fait. Oui. Voilà. Voilà, ça sonne, attention. Gary est prêt. D'accord. Allô ? Olé ! Yeah ! Ils sont taqués. Ah, c'est cool. Comment tu t'appelles ? Julie. Bonjour Julie, bienvenue chez nous. Tu es de où, Julie ? Je suis de Bruxelles. Tu es de Bruxelles et tu as quel âge ? J'ai 23 ans. Et tu es fan d'Enrique ? Oui. Bon, écoute, on va te garder hors antenne pour que tu répondes à la question subsidiaire. D'accord. Et si c'est toi la plus proche, eh bien vendredi, on t'annoncera que tu pourras rencontrer Enrique Iglesias à Miami. Je l'espère, merci. On te le souhaite en tout cas. Bisous Julie. Merci beaucoup, bisous. Bisous ciao. Julie, ciao. Le prochain live, ce sera tout à l'heure sur Radio Contact avec Puggy, ils seront de retour. Et le retour de la musique, c'est tout de suite. Avec Adèle. Send my love to your new lover. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free.

aussi beaucoup l'album, donc pour l'instant, ça a été vraiment que du bon. Et puis des dates sur scène aussi ? Beaucoup, c'est vrai qu'on a beaucoup joué déjà. On est passé par le cirque, par l'ancienne Belgique. Il y a une date à Forêt Nationale le 2 décembre, 9 décembre. Vous pouvez y aller si le 2, on n'y sera pas. Mais je ne sais pas qui sera là le 2, mais ce sera sûrement très bien. Mais nous, on est là le 9. Sinon, c'est vrai que cet été, on sera à Ronquière, Spa, on a Werther aussi. Il y a pas mal de dates. Mais tout ça se trouve sur le Facebook, sur le site. D'accord, évidemment. On suivra ça de près. Alors, vous êtes